Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 40. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, n'hésitez pas à le faire à l'adresse suivante, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. N'hésitez pas aussi à commenter les articles qui sont publiés très régulièrement sur le site de Démocratie Participative en vous inscrivant sur le forum eelb.su, donc je répète, eelb.su, Europe Écologie Les Brins, mais vous pouvez aussi tout simplement lire les commentaires des différents participants. Il existe plusieurs rubriques, vous pouvez vous y référer, vous apprendrez probablement des tas de choses, je vous en laisse le loisir. Vous pouvez aussi vous inscrire et nous suivre sur le réseau social Gab, gab.com, qui offre, comme vous le savez, probablement le grand avantage de ne pas censurer les contenus, ce qui n'est plus le cas sur Facebook, ce qui n'est plus le cas sur Twitter, Instagram, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est rare, donc autant utiliser les outils qui sont à notre disposition. Avant que Je remercie nos donateurs. Je vais présenter les membres de cette émission. Je vais commencer avec notre ami, Pierrot. Comment vas-tu, cher Pierrot ? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Ça va très bien, je te remercie. Là, j'ai la patate aujourd'hui. Ah bah c'est très bien, j'en suis très content. Et avec nous aussi cette semaine, Popovic. J'espère qu'il va bien, notre ami. Bonjour à tous, oui, moi ça va, je suis prêt. Est aussi avec nous cette semaine, Fulbert, comme chaque semaine. Comment vas-tu, cher Fulbert ? Fulbert va bien, merci Gandalf. Bonjour et bonjour à tous. Enfin, est aussi avec nous Derek, cardinal de notre émission Éminence Spirituelle, qui nous guide dans ce moment d'avènement messianique, on a besoin de ses lumières et il est là, il répond présent et c'est d'une grande aide. Salut, cher cardinal. Salut Gandalf, salut les gars, salut tout le monde, effectivement. Ma torche de pétrole vous guidera dans ces temps de trouble. Alors on va remercier nos donateurs, on a reçu au moins un don cette semaine, deux en fait, vous allez comprendre pourquoi je dis deux. On a un petit courrier qui est associé. Alors voici le message de Fantôme. Cher chroniqueur de l'émission, je vous envoie un Monero comme une très juste contrepartie pour tout ce que j'ai appris grâce à vous depuis 2 ans. À bientôt. Merci à toi, cher Fantôme. Merci à tous nos donateurs qui ne s'expriment pas nécessairement, qui restent anonymes, mais qui contribuent à la vie du site, à la vie du podcast, et qui veulent tout simplement que l'aventure continue, puisqu'on se fait remarquer encore ces derniers temps. Les publications, tout ça, attire fortement l'attention de la majorité parlementaire, et aussi des médias, d'ailleurs, je dois le dire. C'est bien, on contribue au débat démocratique. Première rubrique, chers amis, courrier des lecteurs. Alors voici un premier courrier qui est intéressant, je trouve, puisque ça fait suite, et en fait, on est encore dans les retombées politiques en fait, de la décapitation du prof. On a longuement parlé de cette décapitation, Mais disons qu'entre-temps, les plaques tectoniques ont sérieusement bougé, on voit les réactions dans tous les sens, avec quand même de lourdes implications. En tout cas, sur l'émission de la semaine dernière, nous avons donc des réactions de personnes qui sont concernées au premier chef, à savoir les profs. Alors, il y a quelques profs de droite ou identitaires, il y a très peu, mais bon, ils essayent de survivre au milieu des ruines, comme dirait l'autre, et ils nous adressent des courriers. Alors, je vous cite celui-là. Alors, chers démocrates, j'écoute votre émission hebdomadaire et je suis votre site avec grand plaisir tous les jours. Je vous remercie pour votre travail d'analyse et d'information. J'attendais que l'on reparle de la déséducation nationale, notamment du professeur décapité, pour vous envoyer mon retour d'expérience. Je suis moi-même jeune professeur et je sais à quel point cette catégorie socio-professionnelle n'est pas en odeur de sainteté parmi les démocrates. Je ne peux pas vous en vouloir. Pour contextualiser, j'ai effectué ma scolarité dans le privé. J'ai pu y croiser quelques rares nègres et bougnoules, mais provenant du haut du panier, donc les nègres et les bougnoules, je n'ai jamais vu mes professeurs menacer d'écrire un rapport, crier en classe, ni même virer un élève. Tout se passait normalement dans un climat d'apprentissage serein. Ayant gardé un excellent souvenir de mes professeurs et du bon climat qui régnait en classe, j'ai décidé de passer le concours. Première affectation, l'académie de Creil, Seine-Saint-Denis, ville X. Bon, il ne nous la donne pas, par évidence et discrétion. J'arrive donc la fleur au fusil, sans aucun a priori, et avec la ferme volonté de transmettre mon savoir aux élèves. Grave erreur. La population à X, donc là où il se trouve, sa première affectation. Nègre, bougnoule, race difforme encore non répertoriée dans l'encyclopédie, une infime proportion de blancs de l'Est, pas un seul Niakoué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en arrivant à X, c'est que vous êtes chez eux. Vous n'êtes plus en France. Ils ont leur code de conduite, leur langage, leur bouffe et l'islam. Dans les bons jours, c'est tout juste s'ils vous tolèrent. Mon tuteur m'avait pourtant dit que c'était une ville respirant le vivre ensemble, la tolérance et l'ouverture à l'autre. Ils n'avaient jamais de problème en cours. Les élèves étaient certes en difficulté, mais attachants. Inutile de préciser que je n'ai plus gardé de contact avec cet abruti. À présent, quelques remarques raciales tirées de mes observations. Les nègres sont de très loin les plus cons et sauvages. Pardon, les plus en difficulté. Ils ne comprennent pas un traître mot de ce que vous dites. Il n'y a rien à en tirer, mais au moins, s'ils veulent vous emmerder, vous les voyez venir de loin. Leur odeur est tellement nauséabonde que ça imprègne même le papier. Une fois, j'ai ramené un paquet de copies chez moi, j'ai jeté mon cartable et compris ma douleur. Les bougnoules. Un peu plus intelligents, il faut le reconnaître, mais vicieux et fourbes. Ils vont tout mettre en œuvre pour faire des conneries dans votre dos. Très religieux avec leurs frères nègres, il m'est arrivé d'avoir des classes entièrement vides pendant leurs fêtes de merde. Je présume Ramadan, Aïd et autres. PS, j'ai toujours aimé voir des Fatima jouer les putes en classe, mais s'empresser de mettre une simili burqa à la sortie des cours pour montrer que ce sont de bonnes musulmanes. Ou encore Yacine, le gros porc qui vante les bienfaits du Ramadan, mais qui se goinfre de bonbons à la récré parce qu'il crève la dalle. Les Blancs, de loin les plus intelligents, même si cela peut s'avérer être à double tranchant. Il n'y en a qu'un ou deux par classe et ils obtiennent les meilleurs résultats. En revanche, un blanc bougnoulisé du cerveau est presque pire que les races précédemment citées. En effet, ils ont assez d'intelligence pour vous emmerder à un tout autre niveau dont les crouilles ne peuvent que rêver. De l'aveu d'un prof de français, les élèves possèdent moins de 800 mots de vocabulaire pour s'exprimer. Toute communication est donc presque impossible. Je précise que les mots en arabe ou les sons de bouche africains, donc les chips, sont comptabilisés dans les 800 mots. Les professeurs. Une grande partie d'entre eux sont arabes avec un fort accent. Étonnamment, ce sont ceux pour qui les élèves ont le plus de respect, mais ce n'est pas une généralité. certains professeurs arrivent à travailler dans un semblant de calme, mais en hurlant toutes les deux minutes. Les professeurs sont des vendus. Ils achètent la paix sociale en étant laxistes et aveugles. J'ai appris en fin d'année que certains des professeurs les plus expérimentés donnaient un contrôle, le corrigeaient en classe, puis le redonnaient pour que les élèves aient une note un peu moins merdique. Je comprends pourquoi mes moyennes étaient aussi basses. D'après un classement scolaire bien connu, l'établissement dans lequel je faisais garderie était un des meilleurs de France. Oui, oui, de France. Le taux de réussite au bac frôle les 100%. Il m'est arrivé de voir les professeurs faire leurs ablutions et prières à la vue de tous, en salle des profs, pendant le ramadan. Personne ne dit rien. Ça vote à gauche ou à l'extrême gauche. L'administration. Peut-être les pires de tous. Si les élèves, deux points, sont en difficulté, sont agressifs, ont de mauvais résultats, vous manquent de respect, ne comprennent rien, c'est de votre faute. Cela ne vient pas du fait qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, ils étaient sur leur arbre à bouffer des bananes. Ça n'a rien à voir, on vous dit. Dernière petite anecdote. Un beau jour, Abdoulaye, qui possède un dossier scolaire long comme mon bras, ainsi qu'un casier judiciaire, pète un boulard en classe à propos d'une vague histoire de nègres dont eux seuls ont le secret. Son éminence d'Éric pourra sans doute confirmer qu'un cerveau cartésien non initié ne peut comprendre leur embrouille à la con. Il s'en prend à moi parce que je lui demande de se taire, avec l'accent. Alors, je ne sais pas quel accent c'est, parce que c'est pas l'accent noir, hein, c'est l'accent de banlieue, hein, j'imagine. Hein, donc c'est « Vas-y, je m'en bats les couilles de ton cours, moi je baisse ta race !» Donc il mime avec un acte sexuel. Hilarité générale dans la classe. Plus bruit de singe. Je ne suis pas du genre à me laisser faire, surtout pas par une sous-race vaguement humanoïde. Étant particulièrement mal luné ce jour-là, je lui réponds en utilisant la même intonation, donc l'accent de banlieue, hein, la même syntaxe, le même vocabulaire. Il n'y avait aucune préméditation, c'est sorti tout seul. C'est une phrase parmi tant d'autres que j'ai pu glaner au détour d'un couloir, dont je ne suis pas certain de la signification, mais qui a fait son effet. Je vous prie de m'excuser pour ce qui va suivre, donc affaire avec l'accent. Alors... Toi, tu me baises, moi je te nique ta grand-mère, t'es mort. Silence de mort dans le zoo. Abdoulaye est en pleine dissonance cognitive. Je vois l'énorme pneu qui lui sert de bouche s'agiter dans le vide, les yeux écarquillés. Il essaie de me répondre, mais ce n'est pas avec moins de 800 mots que l'on peut construire une phrase argumentée. Un prof a osé lui répondre sur le même ton. Scandale. Il sort de la classe comme une furie en proférant insultes, onomatopées africaines et en renversant des chaises sur son passage. 10 minutes plus tard, le quintal de gras qui fait office de principal déboule en classe. Elle me dit sèchement devant toute la classe « Monsieur X, j'ai appris qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans votre cours. Vous viendrez me voir immédiatement à la récréation. » Je vous passe les détails, mais je me suis fait enguirlander pendant 15 minutes. Mon attitude n'était pas républicaine, signification, et mettait en péril tout le travail d'accompagnement réalisé par l'établissement. Cette conne de gauchias m'a envoyé un inspecteur pour vérifier la pertinence de mes cours. N'étant que stagiaire, j'ai fermé ma gueule. Je ne pouvais pas risquer ma titularisation. Pour Abdoulaye, aucune sanction ne sera prononcée puisqu'il est victime de mes agissements. J'aurai aussi interdiction formelle de le virer de classe si une prochaine altercation avait lieu. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Conclusion. J'ai cru que la CPE ouais. allait lui mettre des heures de colle. Non. C'est une femme, impression que c'est une femme. Conclusion. Après 4 années de purgatoire, ici et là, même dans l'Académie de Paris, par la suite, j'ai enfin obtenu une mutation de rêve. Les classes sont blanches à 99% et vont le rester. Certains de mes collègues ne cachent pas leur racisme et leur haine de l'islam. Comme quoi, il y a encore des poches qui survivent. Beaucoup de nos discussions à table pourraient rappeler les heures les plus sombres, ou les plus lumineuses, comme on aime à le dire. Je suis enfin heureux dans mon travail, bien loin du merdier racial. Si j'avais veniez au pouvoir, je me porte candidat pour le ministère de la rééducation. Je profite de ce message pour vous envoyer un don de 0,39 monero. C'est avec le bras tendu que je vous salue. Professeur SS. Merci, professeur. Merci. Alors, messieurs, bon, ça fait plaisir. Bon, j'ai une pensée amicale. Dans la dernière émission, j'avais aussi une pensée amicale pour les rares profs de droite qui survivent dans ce ministère soviétique qu'on appelle ministère de la post-éducation nationale. Ou la désarticulation nationale, je ne sais plus comment l'appeler. Je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui, dans ce témoignage, a retenu plus particulièrement votre attention dans les anecdotes, les détails alors. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage où le prof lui répond là, dans leur sabir. Et le gamin part chercher la CPE, et la CPE revient et engueule le prof. J'ai vraiment cru qu'elle allait lui mettre 2 heures de colle au prof. C'est vraiment l'inversion totale. Hein. C'est hilarant. Je pense que ça aurait mis en boîte le nègre si la principale avait répondu la même chose. Je vais te niquer, t'es mort ta race. Tu vois ? Et là, le nègre, il aurait plus que ses yeux pour pleurer, il aurait été humilié, il serait écrasé. Mais ouais, c'est ça, c'est en réalité. Parce qu'ils sont tous là avec l'assassinat du prof. Vous savez, ils sont tous en train, soi-disant, de faire des examens de conscience et un travail d'autocritique, bien sûr. Ils disent, ils comprennent pas ce qui s'est passé, il y a eu des démissions, etc. Non, en réalité, il y a vraiment une suite logique dans la désintégration de ce ministère, hein, qui est assez identifiable. Hein. Et il y a rien de surprenant là-dedans. Et puis, il y a beaucoup la lâcheté. Hein, il y a beaucoup la lâcheté, en fait. Ce sont des fonctionnaires, il faut pas oublier, ce sont des fonctionnaires. C'est vrai que on ne souligne pas assez le rôle, parce qu'on focalise souvent sur les profs, évidemment, et pas assez sur, l'administration derrière les profs. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire la partie politique. Oui, enfin, disons la partie vie scolaire qui, elle, est bien sûr politique, mais c'est la vie scolaire, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va se passer en dehors des classes. Et là, c'est les cours de récréation, c'est les rapports avec les parents d'élèves, ça va être la gestion des conflits entre les élèves ou entre les parents et les professeurs. Voilà, c'est toute cette partie-là. Et en fait, ces gens-là sont des, bon, comme les profs, hein, mais sont des fonctionnaires. Et en réalité, ils ont beaucoup moins de contact avec les élèves que les profs n'en ont. Un principal est essentiellement dans son bureau à manager toute la partie administrative avec le rectorat, etc. Donc, ces gens-là, finalement, ils sont fonctionnaires, ils sont carriéristes. Il faut bien comprendre que tout ça est aussi géré à l'ancienneté. Les profs ont des... les profs, enfin, tous les fonctionnaires, mais les profs et les principaux dans les... Dans les établissements et même les CPE, on sont tous notés, ils sont tous évalués. La peur qu'ils ont, c'est d'être signalés pour avoir commis une erreur professionnelle. Donc, ils sont ensuite scrutés de manière directe par le rectorat, qui est une véritable structure à caractère politique. Hein. Il s'agit de garder tout le monde sur la ligne. C'est très, très, très, très... très discipliné, en fait, hein, comme ministère. Vous avez des profs débraillés, gauchistes, etc., mais la structure elle-même est très disciplinée. Et donc, ils ont tous la trouille, en fait, d'être blacklistés et de plus pouvoir avoir un cheminement professionnel pépère, en fait. Voilà. Donc, ces mecs-là, eux, c'est un phénomène à la décharge des profs. C'est-à-dire que ces gens-là, plutôt que de rentrer dans des conflits avec les parents, parce que si jamais il y a un conflit, le principal doit les recevoir dans son bureau, plus souvent qu'à leur tour, dans les grandes villes où il y a une forte population immigrée, les types, en fait, se délestent sur les profs, c'est-à-dire qu'ils lâchent les profs devant les parents. Comme ça, eux, ils n'ont pas d'emmerde. Et le prof, bah, du coup, la pression s'inverse, c'est-à-dire que c'est plus le personnel éducatif, comme on dit, qui met la pression sur un élève qui pose problème, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la famille de ces gens-là, plus l'effet de meute, qui crée une pression sur certains profs qui pourraient être tentés de vouloir un petit peu tenir leur classe. Donc, c'est toujours un peu plus nuancé que ça, mais voilà. Alors, bon, ça, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le souligner, quoi, de voir que... que si vous êtes un prof un petit peu, si vous voulez bien faire votre travail, en fait, vous ne serez pas soutenu. Vous ne serez pas du tout soutenu, quoi. Oui, puis bon, ça ne sert pas à grand-chose non plus, quoi. Non, non. Hein, le lycée là, dans lequel le professeur était, c'est un lycée, donc Tenzo, hein, ouais. Qui était un des lycées avec le meilleur taux de réussite au bac. Ah, très intéressant ça, oui, oui. Ah oui, donc ça ne sert à rien, il n'y a pas à se faire chier. Hein. Vous êtes là, vous faites vos heures. Bon, oui, à la limite, quand si tu es dans un lycée, là il est dans un lycée blanc, il peut préparer les élèves aux grandes écoles à faire, oui, à faire quelque chose de pas mal, quoi. Mais bon, là c'est juste une garderie à nègre, hein, gardien de zoo. Donc gardien de zoo, bon, bah, y a rien de spécial, c'est pas bon de se creuser la tête. Hein. Notez le privilège blanc encore dans cette affaire, hein, où en fait, en ne branlant rien, sous prétexte qu'on est un nègre et un bougnoule, en fait, les profs organisent la triche pour vous faire avoir des notes mirobolantes, tandis que les blancs doivent bosser pour avoir les mêmes. Quand même. Oui, ça c'est. Ben, oui, d'autant que maintenant, je crois. Sauf erreur de ma part, hein, le contrôle continu. Compte pour le bac. Donc c'est les oui parce qu'ils ont compris que c'était plus gérable sur un coup de coup près de trucs même avec des donc voilà bon maintenant on va carrément automatiser en fait la délivrance de baccalauréat à toutes ces populations là quoi hein. C'est clair hein. C'est clair. Qui d'autre sur ce témoignage, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus ou moins marqué, ou que vous auriez aimé commenter ou préciser? Ouais, plutôt un rajout en fait. Alors, perso, quand j'étais au lycée, moi j'ai eu un très très mauvais souvenir d'une population dont on parle peu souvent, qui est les Turcs. Alors les Turcs, ça, les Turcs dans un lycée, c'est un truc, c'est quelque chose. En fait, c'est un peu comme les bougnoules, d'après mon expérience hein, de bougnoulologue. Hein. Sauf que, bon, ils sont ultra communautaristes, encore plus que les bougnoules. Ils sont tous en échec scolaire, mais total. Hein. Des fois, il y a quand même un bougnoule qui arrive à sortir du lot. Là c'est zéro, hein. Il n'y a rien à y faire. Ils sont tous délinquants. Et vous savez, quand vous emmerdez un arabe, après vous arrivez dans généralement une petite bagarre, et en fait, à la fin, vous trouvez avec 10 arabes autour de vous. En fait, les Turcs, c'est pareil, sauf que généralement, il y a la famille qui est dedans. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un gamin, ça je l'ai vu, hein. Des gamins turcs au lycée qui ont des problèmes avec les profs parce qu'en fait, ils se comportent comme des animaux. Et à la fin, t'as les parents, les cousins qui se ramènent aussi dans l'embrouille. Et à la fin, le prof, il est tout seul. C'est-à-dire qu'à sa gauche, il y a un tas de rats qui l'emmerdent physiquement et qui veut en découdre. Et puis, l'autre côté, il y a sa hiérarchie qui soutient pas du tout, qui va lui dire surtout pas d'embrouille, quoi. De toute manière, t'es tout seul, on ne soutiendra pas. Exactement. Intéressant, ça. Puisqu'on parle aussi un peu de triche aux examens, précisons que. Et les juifs n'ont pas ce problème, puisque dans leurs écoles communautaires, en fait, la triche est organisée et que c'est permis. Hein. C'est permis par le ministère. Hein. Donc, Charret, c'est permis. C'est permis. Non, mais vraiment, on avait donné des anecdotes. Tous les ans, au bac, c'est la même histoire. Hein. Donc, il faut le savoir. C'est-à-dire que les juifs ont une autorisation spéciale, tacite, du gouvernement français pour tricher à tous les examens. C'est-à-dire qu'ils reçoivent à l'avance les épreuves pour avoir les meilleures notes et ensuite pouvoir postuler dans toutes les écoles, etc. Donc, il faut savoir que, je veux dire, les bougnoules et les nègres ne font que rattraper très, très tardivement un système de privilège racial qui est présidé par les juifs. Faut quand même le dire, parce que par souci d'équité et de justice. Hein, qu'on n'allait pas dire que Gandalf se focalise exclusivement sur les Noirs ou les Maghrébins. Il en reste quand même un peu pour nos amis ashkénazes qui, comme tout le monde le sait, ont 130 de QI chacun. Alors, bon, on peut passer peut-être au courrier suivant. Deuxième courrier, c'est un jeune auditeur qui nous écrit depuis son établissement scolaire. Alors, le voici, ce courrier. Chers amis, bonjour. J'aimerais vous partager deux anecdotes qui font écho aux derniers événements. Je suis étudiant dans une grande école réputée, il s'agit d'une école publique. Mercredi midi, après mes cours, je me suis rendu en salle informatique afin de pouvoir travailler tranquillement. Vers 14h45, l'alarme incendie a retenti. Ceci est fréquent dans le cadre d'exercice incendie. Je joue le jeu et me rends sur le point de rassemblement. J'y retrouve de nombreux étudiants et les professeurs qui commencent à nous encercler. Un peu naïvement, je me dis qu'il est normal que les profs nous entourent ainsi que l'on reste sous leur responsabilité. J'ai été bien naïf. Un de mes camarades dit « Ah oui, c'est vrai, ils nous réunissent pour la minute de silence nationale de 15h ». Lorsque j'ai entendu cela, j'ai opté pour une fuite du groupe. Fût-elle de la façon la plus hébraïque possible, je devais fuir, tant pis. Je tente alors de faire une sortie, j'aperçois une trouée, m'y glisse. Un premier prof m'interpelle et me dit « Reste, il y a la minute de silence pour l'attentat ». Je ne me retourne pas et fais mine de ne pas entendre. Au moment où je sors du cercle, un gars des services techniques de l'école me demande où je vais. Je lui explique que je retourne à mon travail puisque l'exercice est terminé. Il me dit que je dois rester pour la minute de silence. Je lui réponds que j'ai d'autres chats à fouetter et que je ne me sens pas concerné par ça. Il hausse le ton pour ameuter les autres professeurs et la foule, puis m'explique que c'est une obligation de rester car tu appartiens à l'école. De plus, si je pars, je risque d'entraîner d'autres élèves. Il faut y participer au maximum. Je lui dis que non, lui rappelle que ce n'est qu'un technicien et lui signale qu'il empêche mes libertés de mouvement, d'expression et de conscience de s'exprimer, d'autant que je n'appartiens à personne. De plus, je suis hors cadre de cours et ne dépend donc d'aucun professeur. Il se met alors à hurler et dit à une prof qui se rapproche « Il ne veut pas faire la minute de silence !» Ne voulant pas créer un scandale, je me tourne et regagne mon travail sans écouter ce que l'on me dit dans le dos. Ceci d'une allure et d'un regard les plus sûrs et dominateurs que possible. Le lendemain matin, 8h. J'ai un cours de 3h avec une prof. Le cours porte sur l'architecture française du XVIIIe siècle. Cette vieille bolchevique nous a vendu pendant 3h l'esprit des Lumières. Alors là, il cite la prof. Vous comprenez, grâce à ces idées, nous avons la liberté d'expression. L'idée du vivre ensemble est née avec l'encyclopédie. N'oubliez pas d'ailleurs que le pape et Louis XV ont pratiqué des autodafés en brûlant certains exemplaires de livres. C'est à cette époque qu'est né le féminisme. On a parlé pendant 20 minutes des pulsions sexuelles de la Pompadour. Et encore d'autres clichés et mythes ridicules républicains sur la monarchie, comme, je cite, les trottoirs ont été inventés car les puissants qui roulaient en carrosse écrasaient les gens du peuple en toute impunité. Elle a un doctorat, précise notre jeune auditeur. Il cite encore, Louis XVI se fichait du peuple, il restait indifférent face au peuple. La preuve, le jour de la prise de la Bastille, il écrira dans son journal « Rien ». Il s'agissait en réalité de son journal de chasse. La prise de la Bastille est le symbole de la fin de l'emprisonnement des opposants au régime. Ça, c'est encore une citation. Alors là, notre auditeur précise, a raison, hein. Il y avait en réalité 5 vieux aristocrates joueurs et alcooliques, et un arsenal. Je pense que l'arsenal a plus motivé les révolutionnaires, mais bon, le bolchevique aime faire du pseudo-social. De toute façon, Louis XVI n'a pas fini en entier. Elle étouffa un petit rire à la suite. Je tiens à préciser que cette crapule rouge était à la minute de silence. Donc en fait, elle était en train de se gargariser après l'attentat de la décapitation de Louis XVI et en rigolait en cours. Hein. Puis la perle des perles. Vous savez, l'art français du XVIIIe siècle est un art nationaliste. Attention, ne confondez pas avec le nationalisme actuel. N'oubliez pas que le nationalisme nous a menés à la Shoah. Nous n'avons pas parlé une minute d'architecture. Arriver dans un cours de 3 heures sur l'architecture du XVIIIe siècle, à nous glisser le mot Shoah relève de la plus grande des prouesses, du génie, c'est un délice. Et c'est signé A, donc notre jeune auditeur. Alors là, messieurs, c'est du carabiné, un véritable concentré de ce qu'est en réalité le professeur type français en 2020. Hein. Bon, il y a des professeurs de droite, on en a entendu, ils souffrent beaucoup. Voilà. Ce qu'est la professeure, surtout. Parce oui, que là, la bon, professeure. Il oui. y a l'hystérie, en plus. Hein, ça se sent, hein, ça se sent de là. Quoi. Bah, déjà, le saluer pour sa, sa prise de position courageuse, hein, de ne pas suivre les moutons dans une forme de culte à la République, hein, ces minutes de silence, bon, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est très bien qu'il ait remis à sa place tout ce petit monde. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. D'autant que c'est pas forcément évident parce que, comme vous le savez, tout est surveillé politiquement maintenant. Et surtout dans ce genre de moment-là où vraiment on scrute tous ceux qui ne sont pas Charlie, n'est-ce pas ? Donc en fait, que tous ceux qui sont plus ou moins rétifs au slogan, bon, lui, il a refusé, il a envoyé chier tout le monde. C'est bien, ça, c'est vrai que ça mérite d'être salué. C'est du panache. C'est du panache, c'est très bien. D'autant que c'est dans une grande école, nous dit-il, laquelle je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus courageux que si on est un lycéen et qu'on fait ça dans un lycée d'une région quelconque, bon, dans un établissement prestigieux où on a quand même, on aspire à avoir une carrière et tout, ne pas hésiter à se démarquer, c'est très positif. Donc ça, c'est vrai que c'était très très bien. Moi, je trouve que ce témoignage est très intéressant puisque c'est une petite tranche de vie dans un moment d'hystérie collective que vous connaissez très bien puisque vous l'avez vécu, on l'a tous vécu collectivement. Et ça nous dit beaucoup de choses. D'abord sur l'attitude de l'institution face à ce qui est et reste une décapitation d'un prof de gauche, on va y revenir aussi, d'origine immigrée et musulmane. Donc là, il y a un moment, si vous voulez, où dans la cervelle de l'écrasante majorité des profs, là, il y a un bug fondamental, ils ne savent plus. Alors, ils sont solidaires, parce qu'ils se sentent tous visés, à raison, mais en même temps, on sent que le niveau d'interrogation idéologique est absolument nul, et on le sait pourquoi. Bien précisément avec la réaction de cette prof-là qui était à la minute de silence, hein, en solidarité avec son collègue raccourci, qui le lendemain se gausse, le lendemain matin, hein, se gausse de la décapitation du roi. C'est-à-dire que ça, c'est les bons décapités, n'est-ce pas ? Donc en fait, cette vieille harpie rouge est une nostalgique de 93. C'est une nostalgique de la terreur. D'accord ? C'est une groupie, je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est une groupie de... des égorgeurs comme Robespierre, Marat, Danton et toute la bande, quoi, hein, Desmoulins, Saint-Just, etc. Donc c'est très intéressant de voir que ces gens qui sont maintenant en train de passer sur l'échafaud, hein, l'échafaud islamique pour le coup, n'interrogent à aucun moment les procédés utilisés par la Révolution française qui ont fondé la République. Et d'ailleurs, et je crois que c'est le truc que je trouve le plus ironique dans tout ça, au fond, c'est comment le régime appelle à l'aide, hein, il dit voilà, au secours, République en danger, le siège est déclaré, alors tout le monde est vraiment mobilisé pour soutenir le régime, un régime qui a été fondé sur une décapitation. J'ai trouvé que là, il y a un moment dans le... Moi, je crois pas du tout au destin, je crois pas au hasard, je crois au destin, je crois pas du tout au hasard, et je crois à la force des symboles. Et à mon avis, si vous voulez, le fait que la République commence avec une décapitation et, à mon sens, finisse avec une décapitation, parce que je crois que la République est en train d'agoniser dans le caniveau, là, pour moi, c'est pas du tout du hasard. Et je trouve ça marrant de voir ces gens-là, non repentis, exiger une solidarité tout en hurlant la décapitation. Leur indignation paraît d'autant plus fielleuse et infecte. Je trouve que ça donne un tableau très en relief, très intéressant de qui sont ces gens. Et bon. Ce sont des gens qui n'ont que le mot égalité à la bouche, hein, attention. Hein, pour ça qu'ils coupent la tête des gens, d'ailleurs. Ah, oui, c'est pour mettre tout le monde à la même taille. Tout le monde à la même taille. Non, mais enfin, égalité. Par contre, les décapitations, il y a celle où tu rigoles et tu fais des clins d'œil. Il s'est fait raccourci, hein, il n'a pas fini l'entier. Et puis il y a celle où il faut que tu te prosternes. Des mecs qui hurlent. Ouais. Voilà. Donc, non, mais bon, c'est bien. Enfin, bon, vous savez, hein, on a affaire à des fous. Hein, Je crois pas que, oui, dans nos milieux, on est à peu près au courant qu'on a affaire à des fous, mais je crois pas que le gros du peuple a conscience. Ah non, bon, non, c'est sûr. Parmi les profs, parce qu'évidemment, bon, quand on dit les profs, bon, il y a une trame qu'on a décrite, hein, la semaine dernière, donc c'est pas nécessaire de revenir encore sur le sujet, mais il y a une trame, enfin, ce ministère a une trame fondatrice qui est maintenant vieille de 150 ans, donc il y a des réflexes collectifs. Puis en plus, il y a des mots d'ordre, hein, qui sont donnés. Et donc, même si vous voulez, s'il y a bon, il y a 80% de femmes qui sont profs, il y a 20% d'hommes, bon, vous avez toujours là-dessus une bonne moitié, si vous voulez, c'est un peu alimentaire, quoi. Voilà, c'est pas des croisés, c'est pas des exaltés ou quoi. Mais vous avez quand même une forte minorité agissante parmi les profs, qui sont eux vraiment des commissaires politiques. Ils ont vraiment la fibre. Ce sont des types qui croient à leur idéologie, donc l'idéologie égalitariste, peu importe sa forme. Hein, est-ce qu'un tel il est trotskiste? Est-ce qu'un tel il est France Insoumise? Est-ce qu'un tel il est socialiste? Peu importe, la trame est la même. Et vous avez là-dedans des gens qui sont vraiment très radicaux. Et d'un sectarisme vraiment à toute épreuve, quoi. Donc, et là, on en a un cas. Hein. Mais moi, j'ai eu des cas comme ça. Hein. Dans ma scolarité, à différents stades, j'ai connu le même type de personnes, hein, avec des doctorats aussi, hein, qui enseignaient à l'université, ouais, mais qui étaient des jacobins radicaux, hein, des tenants de la Révolution française, mais pas le versant libéral de 89, hein, déjà qui était déjà un peu sanglant. Hein. Non, non, le versant terroriste de 93. Mais des gens très, très radicaux, très, très radicaux. Et en plus, c'est une coterie, surtout dans le monde de l'université, puisque pour être admis à l'université, il faut en fait avoir le tampon d'autres profs, en fait. Il faut être coopté. On ne devient pas automatiquement prof d'université parce qu'on est devenu docteur ou quoi. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est par cooptation. La cooptation est exclusivement politique. Tout ce qui peut ressembler à un prof de droite, entre guillemets, est strictement écarté de toute candidature. Donc ils ont créé comme ça une matrice dans l'université française qui vise à reproduire évidemment la garde intellectuelle et idéologique du régime. Et il y a très très peu de profs de droite. Il y a eu une tentative dans les années 80 à Lyon 3 de créer une matrice intellectuelle de droite. Ça a été détruit par le maire juif de Lyon qui était Michel Noir, voilà, qui l'a détruite pour le compte de la gauche. Donc encore une fois les mêmes. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de possibilité d'opposition au sein de l'université française, qui a totalement crevé. Hein. Totalement crevé. Je sais simplement que dans certains domaines de spécialité, dans les sciences humaines, vous pouvez trouver, en histoire, sur quelques domaines très précis, vous pouvez trouver des droitards. Mais c'est très très précis. Et ils vont dans ces domaines-là, dans ces domaines de la science historique-là, précisément parce que c'est totalement ça, les gauches ne s'y intéressent pas. C'est très peu polémique, si vous voulez, ce type d'histoire. Par exemple, l'histoire maritime. L'histoire maritime, par exemple, les gauches sont très peu intéressées par ça. Donc, il y a quelques droitards, si vous voulez, qui vont se réfugier là-dedans. On leur fout la paix, quoi. Voilà. Parce que, de toute façon, grosso modo, à l'exception de la traite négrière, mais à l'exception de ça, je veux dire, on ne va pas aller les faire chier. Donc, vous allez pouvoir faire votre thèse, votre doctorat en toute tranquillité. Voilà, il n'y aura pas des ayatollahs pour vous flinguer, quoi. Voilà, votre. Ce que vous allez faire ne va pas déranger. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette minute de silence? J'ai peut-être envie de vous poser une question. Normalement, là les gens sont en vacances, mais normalement il y a une minute de silence à la rentrée. Alors est-ce que d'après vous, ça va se passer comment? Juste comme ça. C'est censé avoir une espèce de raout où ils vont demander un peu tout le monde à se remémorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, apparemment, là, ce qu'a dit notre comment dire, notre contributeur, C'est que la minute de silence était obligatoire. Comme pour la Shoah d'ailleurs, hein. C'est obligatoire, vous devez y croire. Donc là, pour le coup, on a affaire à un nazi malin, donc ça va, il a pu faire l'anguille. Mais je crois que les bougnoules ne savent pas faire l'anguille et ne comptent pas faire l'anguille. Donc, en fait, s'il y a des profs un peu insistants et on aura et un peu naïfs qui vont vouloir forcer la minute de silence et qui vont se heurter à des « ouais, mais vous rendez pas compte parce que ils ont insulté le prophète, madame, quand même », peut-être qu'on aura d'autres têtes. Voilà. Non, mais ça va à la wakbariser gaiement. Hein. Ça va être sympa. Fulbert. C'est la ligne rouge. Les bougnoules, ils mettent la ligne rouge là-dessus. Vous avez beau faire des manières, faire de la pédagogie, comme ils disent, et faire une heure d'introduction, vous savez, la liberté, de machin. En plus, là, le prof en question, là, Samuel Paty, apparemment, il est enfilé des gants avant, il a pris des précautions et tout. Ils s'en foutent. C'est la ligne rouge. Et ouais, mais non, le prophète, quoi. D'ailleurs, les mecs, ça se trouve, ils ont peut-être peu de pratiques religieuses. En fait, tout ça, c'est un réflexe communautaire. Ça les engage pas particulièrement. Juste, ils le prennent comme une agression personnelle, quoi. Surtout liée à une question de QI, d'ailleurs. Fulbert. Moi, je voulais dire un petit truc qui me frappe, c'est que la description assez extraordinaire du cours d'histoire par notre témoin, là, notre correspondant, est quand même assez extraordinaire, parce que c'est assez primaire. On a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression que c'était une description satirique de ce que pouvait raconter cette prof, ce qui est complètement loufoque. Bon, maintenant tu as fait remarquer à juste titre que la République, et dont ses enseignants font la propagande finalement, cette République est née dans la décapitation. Mais je me demande si les musulmans quelque part ne se sont pas montrés un petit peu plus avancés que nous, parce que eux ont peut-être compris, dans leur sauvagerie, que le seul moyen de faire taire ces crétins qui enseignent une histoire déformée, simplifiée et mensongère, ben ils ont peut-être compris que le seul moyen de les faire taire, ben c'était d'avoir recours à la décapitation. Bah, visiblement, les musulmans décident d'appliquer en fait les méthodes des révolutionnaires aux révolutionnaires. Bon, en réalité, les révolutionnaires n'ont pas innové, hein, puisque les musulmans n'ont pas attendu 1589 pour couper la tête des infidèles. Non, mais, effectivement, ils n'ont visiblement pas la patience que les populations blanches soumises à la démocratie ont pu manifester. Ça, c'est très clair. Et on sent quand même, hein, chez les profs, on sent qu'il y a eu un frisson le long de la colonne vertébrale. Hein. On sent que il y a eu un petit moment de rafraîchissement là. Donc oui, non, mais si, sur les insanités qu'elle a sorties, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est tellement symptomatique. En plus, le cours est sur l'architecture du XVIIIe siècle. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un cours d'embrigadement républicain. Voilà, avec tous les poncifs les plus éculés sur la monarchie. La monarchie peut être critiquée, d'ailleurs, il faut regarder à quel siècle et dans quelles circonstances. D'ailleurs, les historiens s'en sont pas privés. Mais il faut que ça soit fait quand même de manière intelligente, et un minimum nuancé. Présenter, comment dirais-je, Louis XVI, qui en fait, dont le problème fondamental en fait n'était pas qu'il était un monarque cruel, bien au contraire, qu'il était un monarque magnanime. Ce dont s'est plaint d'ailleurs Bonaparte, qui dira si Louis XVI avait fait preuve d'autant d'autorité que moi, il aurait gardé son trône. Et le problème de cet homme-là, de ce monarque-là, Louis XVI, c'est d'avoir été extrêmement bienveillant à l'égard du peuple. Et en plus, parce que les gens connaissent pas toute cette histoire, peut-être que ça les intéresse pas aussi, hein, mais je veux dire, on ne les y intéresse pas, et on leur donne une version complètement parcellaire, républicaine, jacobine, écrite par les amis, justement, de Robespierre, etc. D'ailleurs, Robespierre, qui n'était pas le plus excité, d'ailleurs, à l'idée d'annoncer la République, il était beaucoup plus prudent que ça, ça nous amènerait sur une autre discussion, mais ce n'était pas lui qui voulait instaurer la République, et parce qu'il se méfiait de différentes manipulations qui avaient lieu dans son dos. et qui ont amené à la fusillade du Champ de Mars en 1992. Très intéressant là aussi, où il y avait la main de différents États étrangers. Mais bon, ça nous amenait trop loin. Mais tous les gens qui réécrivent l'histoire sont des bonimenteurs. Et notamment, effectivement, sur la prise de la Bastille, dont il parle. Hein. Il dit, voilà, elle nous dit, c'était une espèce de goulag. C'est marrant, il ne parle pas trop des goulags, les profs de gauche. C'est bien dommage. Non, la Bastille, il y avait même... Il y avait un Irlandais fou hein, dans la Bastille. Il y avait 7 prisonniers au total, je crois. Je crois que c'était 7, pas 5, mais je peux me tromper. Mais il y en avait un Irlandais qui affabulait. C'était une farce. C'était rien du tout. Et effectivement, ce qui avait guidé la population à la Bastille, c'était de s'emparer de la poudre qui s'y trouvait. D'ailleurs, le gouverneur, qui a fait preuve d'une extraordinaire bienveillance à l'égard de la plèbe, l'a payé avec sa tête au bout d'une pique. Donc, là aussi, c'est marrant, on retrouve à peu près les mêmes erreurs. Moi, j'invite peut-être nos auditeurs à bosser un petit peu la Révolution française, parce que on retrouve un peu le climat d'aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire... Ça procède d'un même principe qui... Vu que le vainqueur écrit l'histoire et que le vaincu n'écrit rien du tout... En fait, comme pour la Seconde Guerre mondiale, on n'a toujours qu'un côté des choses. Donc à la fin, Louis XVI mangeait des enfants qui déjeunaient. Ouais, il y a ça, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, aujourd'hui, je trouve que cette république vacillante, amolie, bourgeoise, repue, avec ses vieux réflexes, mais qui n'ont plus d'entrain, je la trouve assez similaire en fait, à la monarchie finissante de la fin du XVIIIe siècle, au fond. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, à part quelques grands aristocrates qui voulait préserver un certain statut, finalement, il y avait plus grand monde qui y croyait. Je veux dire, le système était vraiment pourri, totalement pourri, quoi. On avait des curés qui étaient des agitateurs entre guillemets, de gauche. Bon, le terme ne convient pas, mais qui étaient déjà complètement acquis aux idées de la Révolution. On avait des salons d'aristocrates en plein Paris qui étaient devenus de véritables nids à idées subversives. Voilà, tout ça sous le nez. Je veux dire de Louis XV, de Louis XVI, qui laissait faire en toute indifférence. Enfin, il n'y avait plus aucune volonté de tenir toutes les factions qui cherchaient à intriguer. Ce qui n'était pas le cas de Louis XIV, qui lui avait fait preuve d'une très grande poigne avec finalement tous les apprentis révolutionnaires. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une situation très similaire finalement, parce que on en reparlera dans une partie d'émission, mais finalement, on voit plein de gauchistes qui, se croyant plus malins, plus innovateurs, et même une certaine gauche bourgeoise d'ailleurs, donnent la main à des islamistes, ou à des racisés, comme ils les appellent, en se disant, voilà, on va redéfinir les règles du jeu comme si eux font partie de ce futur jeu. Non, c'est des culs blancs, ils sont de gauche, ils se feront raccourcir comme les autres. Je veux dire, et je trouve qu'il y a des similitudes. Des Philippe Égalité, voilà, Philippe Égalité, je ne sais pas si vous connaissez le duc d'Orléans, qui voulait en fait, qui a financé des moulins, par exemple. Les gens ne savent pas ça, mais la prise de la Bastille n'a rien à voir avec ce que les gens croient. C'est-à-dire que c'est une révolution de couleurs, en gros. Toutes les troupes qui gardaient la capitale avaient déjà été complètement achetées. Elles ont mis la crosse en l'air tout de suite. Il n'y avait aucune volonté de résistance à aucun moment. Et qui c'est qui a donné l'impulsion à la prise de la Bastille, en fait ? Alors, l'histoire a retenu Camille Desmoulins, qui a mis une espèce de feuille verte en signe de reconnaissance et en appelant à prendre la Bastille. Mais il l'a faite depuis le... Comment dirais-je le La résidence du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans voulait imposer une dynastie de remplacement en tendant la main aux libéraux, c'est-à-dire à la franc-maçonnerie, aux aristocrates éclairés, à la bourgeoisie commerçante, etc. Mais il fallait un peu agiter le peuple. Ayant qu'il avait payé des moulins, il avait payé des agitateurs pour se rassembler autour de sa résidence, d'où partirait un cortège de quelques milliers d'émeutiers qui iraient prendre la Bastille. C'est ça le point d'impulsion. Le point d'impulsion, c'est un aristocrate ambitieux, acquis au, comme on dit, aux idées nouvelles, c'est-à-dire au libéralisme, proche donc de philosophiquement des idées anglaises, et qui veut se débarrasser d'un monarque et d'une famille régnante qu'il jalouse. Sauf que notre ami Philippe Égalité, donc qui est derrière en fait l'agitation à ce moment-là, dans Paris, en 89, 4 ans plus tard, il est sur l'échafaud. Et on lui coupe la tête. Donc, l'histoire, si vous voulez, est souvent tordue. Et on a comme ça, on a des lagasneries, on en a parlé, hein, qui sont comme ça, des aristocrates à l'origine louche. Parce que bon, en fait, hein, il a du sang un peu juif du côté de Bordeaux, qui donne la main, en fait, à des nègres, à des musulmans, en pensant pouvoir. Non, mais non, non, pas du tout. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ou... Ouais, je ne sais plus qui a précisé quand on avait parlé de Saint-Just dans l'émission. Je crois que c'est moi, ouais, j'avais cité Saint-Just. Ouais. Ouais, et donc, vous savez, il y a une citation qui revient souvent, qu'on attribue à Saint-Just. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Moi, j'écoute France Info, en fait, quand je prends ma douche à chaque fois. C'est toujours très rigolo. Moi, j'ai entendu une chronique sur France Info cette semaine, pour le coup. Donc, tu avais une prof gauchiste hein, qui citait justement Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, qui disait qu'elle avait des problèmes, des fois, régulièrement, avec des gens qui acceptaient pas la laïcité. Donc, ça veut dire les bougnoules, hein, faut décoder ouais, un peu. Ouais, ouais. Et qui était parti sur un délire d'explication pour oui, vous rendez compte, l'égalité, la tolérance, les valeurs de la République. Justement, la révolution, on coupait des têtes, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas permettre, vous savez, on ne peut pas permettre la liberté d'expression, par exemple, à des gens qui ne la méritent pas, en reprenant Saint-Just. Et après, elle était partie dans un délire un peu historique. Et en fait, on l'entendait avec les témoignages des élèves qui succédaient, elle s'adresse à des bougnoules, quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive dans un moment où tu as une vieille prof gauchiste qui parle de Robespierre, des idées de Rousseau. Et enfin, vous avez des bougnoules. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le choc culturel, quoi. C'est-à-dire, les bougnoules, ils ont dû rien comprendre du début à la fin, quoi. Vous parlez de Rousseau, un bougnoule, mais enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Je pense que cette dame-là va peut-être avoir des problèmes à la rentrée. Hein. C'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Là, tu vois que ces gens-là sont idéologues et ils n'arrivent pas à intégrer le facteur racial. Ils ne comprennent pas qu'il y a un fossé cognitif. Que quand tu parles à des gens qui ont 80 de QI, tu ne parles pas à des gens qui ont 100 de QI. C'est énorme, hein, c'est 20% de différence dans la capacité d'assimilation d'une idée, d'un propos. Et cette vieille folle, cette vieille harpie, et avec elle, combien dans l'éducation nationale, et je ne parle pas du reste, combien ne comprennent pas ça. Et continuent d'insister, ils reviennent, ils se disent, bah non, il faut que je le répète plus, et ils comprendront. Et non, c'est ça le truc, c'est-à-dire que cette les gens croient, parce que moi j'écoute certains de nos amis qui se lancent dans des travaux d'exégèse du Coran pour essayer de comprendre le problème, vous voyez. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas fondamentalement, si vous voulez, dans le Coran uniquement, comme texte. Moi je peux lire le Coran demain, c'est pas pour ça que je vais me mettre à couper des têtes. Vous voyez, il y a le livre, et puis il y a celui qui tient le livre. Et face à des gens qui depuis 13 siècles couchent entre cousins du premier degré, font des enfants entre eux de cette façon, et se martèlent la tête en lisant le Coran, vous n'avez pas exactement le même résultat en termes biologiques et cognitifs. Et ça, ces vieilles harpies-là, de gauche, ne comprennent pas du tout ce truc. Ils ne comprennent pas. Il y a un blocage total. Si vous leur dites ça, ça détruit leur mythe de l'égalité sur lequel elles ont bâti leur propre identité. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je crois effectivement, parce que là, en plus de ce que tu dis, elle dit, voilà, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc généralement, ça s'adresse à nous, hein, donc les fascistes. Alors nous, on peut y aller, etc. Machin. Bon, on a perdu la guerre, donc on peut y aller, tu vois. Alors par contre, parler sur ce ton à des musulmans en France, j'apprécie assez la performance. J'ai un petit côté artistique là-dedans. Mais je crois que je crois qu'elle ne comprend pas exactement ce qu'elle est en train de faire. Je crois qu'elle comprendra trop tard. Oui. Il y a une différence, tu faisais la comparaison avec la Révolution française, tu disais que les mecs de l'Ancien Régime n'y croyaient plus. Bah, le problème, c'est qu'actuellement, nos gauchistes, ils y croient encore, quoi. Et ils y croient envers et contre tout, et même la réalité. Hein. Alors, si c'était que la gauche, ça irait. Le truc, c'est que ceux qui croient le plus à la République, c'est ceux qui se disent de droite. Oui, alors... oui, enfin, de droite avec des guillemets. Des parenthèses. Comment dire oui, en fait, t'as raison, Poro, de relever ce truc-là, mais je voulais dire, il y avait quand même en 89, t'avais encore des curés qui croyaient au caractère divin de la monarchie, donc il y avait toute une partie du clergé qui était prêt à t'a capituler, mais il y avait quand même une très grosse fraction du clergé qui voulait lutter pied à pied. Et qu'on retrouvera d'ailleurs en Vendée, c'est-à-dire tous ceux qui refusaient de prêter serment à la République. Donc, bien sûr, dans les fins de régime, comme ça, t'as toujours quand même une fraction qui refuse de lâcher. Et on les retrouve là, hein, vraiment les jusqu'au boutistes. Et ils se manifestent. Donc t'as raison, il y en a encore beaucoup qui croient. Mais moi, je parlais plutôt de la société. Et je crois qu'un des éléments qui m'a déjà convaincu de ça, mais je veux dire, quand j'ai vu les rassemblements, vous savez, là, pour en mémoire de Samuel Paty, j'ai regardé les gens qui venaient, j'ai regardé le nombre, j'ai comparé avec la taille des villes, etc. Il n'y avait pas tellement de gens. Dans des villes comme Nantes, il y avait quelques milliers de personnes. Je veux dire, on parle d'agglomération, on peut. C'est des rassemblements annoncés à l'avance, je veux dire, il y a 700 000 personnes dans l'agglomération, dans la grande agglomération, et vous avez quelques milliers de profs, parce que la plupart, c'est par réflexe corporatiste, hein. C'est les syndiqués et les profs de l'éducation nationale qui viennent, plus quelques idéalistes de gauche, quelques journalistes, là, comme le mec de Libération, la place de la République, qui joue de la guitare, hein, contre le djihad, vous n'avez pas vu ça? Ouais, mais... Au revoir, monsieur le professeur, c'est le truc de Hugo Frey, je crois. Sortez les guitares, les nounours et les fleurs, les djihadistes vont partir en courant, hein, ils vont avoir peur. Hein. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est des gens qui sont convaincus ou juste qui ne se rendent pas compte. Parce que moi, j'appuie ce que je disais la semaine dernière, hein, personne ne veut crever pour la République, personne, même les gauchistes. Je pense qu'ils... Enfin, c'est pas assez noble, quoi. Et je pense que c'est juste des gens, ils se rendent pas compte. Quand on arrive à un point où tu parles du serment, du jeu de paume à des bougnoules, c'est que t'es un peu déconnecté, quoi. Imagine à des nègres. C'est le nègre, quand même, c'est une créature qui est grégaire. Donc aller aller faire lire des bouquins à des nègres. Il y a quelque chose de mystérieux là. Ouais. C'est mystérieux, bon, on va en parler peut-être après, mais même ne serait-ce que de leur faire apprendre la Marseillaise. Oui, bah, c'est une très bonne transition. je propose de la tirelire. Parlons-en. Alors, rubrique numéro 3, autisme radical. Je dois dire que c'est un des plus grands moments d'autisme que j'ai eu l'occasion de voir, je veux dire. Très très bien. Alors en fait, c'est un reportage de France 3. De cette semaine, hein, qui nous dit on met au contact, on essaye de rapprocher l'école et l'armée. Apparemment, il y a un besoin, et donc on veut rapprocher la jeunesse française de l'armée française. Voilà, il faut qu'il y ait des échanges, des discussions, qu'ils prennent conscience du rôle de l'armée. On espère, visiblement, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, on espère, parce que j'ai l'impression que c'était une espèce de ballon d'essai, parce que la théorie avait été lancée par le gouvernement, que l'on pourrait peut-être demander à l'armée de prendre en main la jeunesse difficile des quartiers populaires, comme vous le savez. Hein. Ce à quoi a répondu avec beaucoup d'enthousiasme le général Lecointre, qui pour le coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, le pauvre Lecointre a fait preuve d'un éclair de lucidité, ça m'a beaucoup étonné. Il a dit, on n'est pas là pour s'occuper. Je ne sais pas comment il a formulé ça déjà, mais il a dit, on n'est pas là pour s'occuper de ce genre de truc. On passe notre tour, a-t-il dit. C'est vrai qu'ils ont déjà beaucoup de boulot. Hein. Ils gardent les synagogues, ils essaient de sauver les nègres d'eux-mêmes au Mali. Bon, ouais, on ne va pas être partout au four et au moulin. Hein, donc, sans mauvais jeu de mots, hein, four, moulin, synagogue. Donc, ils ont passé leur tour. Mais je crois que l'idée était de familiariser le grand public avec ce concept. C'est-à-dire, pourquoi ne mettrions-nous pas nos Noirs, nos jeunes Noirs, nos jeunes Maghrébins, qui sont assoiffés de République, qui ont envie d'être Français, une envie ardente d'être Français, et qui ont simplement besoin qu'on leur donne quelques conseils, un peu appuyés, une méthodologie de travail, un encadrement, et c'est sûr, ils seront Français comme vous et moi. Alors, je vous laisse écouter ce reportage de France 3, c'est un petit chef-d'œuvre que nous versons dans nos archives, et puis, enfin, surtout pour les archives chinoises, puisque vous le savez, au 22e siècle, les Chinois vont étudier le pourquoi du comment la France est devenue un pays musulman, et donc, contribution donc, aux travaux de recherche chinois, nous versons ça donc, dans nos archives, qui sont transmises d'ailleurs bientôt à Pékin, et on se retrouve. Ouf, je connais pas du tout les paroles de la Marseillaise. Jamais. Non. Je connais pas très bien les paroles, mais en gros, je connais bien le rythme et tout, mais je connais pas les paroles. Les mots qu'il y a dedans, il y a union, allons, je sais plus quoi. Je sais pas. Je sais plus quoi, nananana, de la tirelire, nananana. C'est la guerre, non? Effectivement, ils n'ont pas rigolé tant que ça. Ils sont un petit peu moqués. Bon, j'ai un bon frère avec les... Non, non. Mais il y aura du recadrage, hein, c'est certain. Oui, ça c'est sûr. C'est ouais. Sûr. Hein. Ouais. En fait, ce sera nécessaire, ça va les surprendre. Mais c'est géré. Je voulais pas venir, mec. Oh, regarde, il court. Comment ça, il court? Oh là là, moi je cours pas avec eux. Voilà. En plein sur elle. Ah, oh, c'est quoi ces bâtiments, là? On dirait en prison, Pélo. À partir de maintenant, vous ne faites pas ce que vous voulez. Ah, bon. On respire, on inspire. Allez. Ma mère, elle m'aurait donné sa graille, même pas je retouche. On ne rit pas pendant la Marseillaise. C'est clair? Il faut que vous preniez conscience que l'acte individuel, il engage le groupe. Et c'est pas la faute des autres, jamais. C'est trop simple. C'est compliqué de vivre en groupe. C'est compliqué de se discipliner. Souvent, on n'a qu'une chose en tête, c'est s'occuper de son petit confort. Le moment où on grandit, c'est quand on commence à se soucier aussi du confort de l'autre. Réfléchissez bien à ça. Globalement, je vous vois plus que mes enfants, qui n'habitent pas à Lyon. Donc c'est quand même, voilà, vous êtes en fait quelque chose qui fait partie de, la, de mon travail de militaire, mais aussi plus que ça. Allez, on commence. On a, le séjour qu'on a passé là-bas, il était plutôt bien. Sauf que, un monsieur, enfin un militaire, il voulait trop faire l'activité sportive. Il en voulait beaucoup. Vous avez réussi à donner beaucoup? Ouais, moi je pense que j'y suis arrivé. Alors, est-ce que c'est pas l'essentiel? Ouais. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Rien. Rien? Non, mais c'est votre droit. Enfin, dire, si vous voulez être... comme une sorte d'éponge à qui ça passe comme ça et ça traverse et après il reste rien, c'est votre choix. Je veux dire. Le repas, c'est pas du tout ça. Et voilà. Parce que? De quoi parce que? Pourquoi vous dites que c'était pas du tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, il n'y avait rien du tout. Pour nous qui? Pour moi, nada et Chiffet. Bah, il y avait rien pour nous, monsieur. On avait cher faim en plus. Mais il y avait suffisamment à manger pour tout le monde, enfin. Ouais, mais en fait, les musulmans. Ah. Voilà, parce que tu dis nous, on sait pas. D'accord. Nous, on mange pas comme vous. Mais vous mangez la viande, nous, on mange pas la viande. C'est qui vous? Nous, qu'est-ce que vous savez, Louise? Qu'est-ce que vous savez de moi? Est-ce que vous savez qui je suis? Vous m'avez comprise. Oui, mais la façon. Si je vous disais l'inverse, en disant vous, vous mangez pas comme moi. Vous rendrez compte comment vous le prendriez? Vous entendez ce que vous dites et la façon dont vous dites? Mais on va le prendre mal. Je le prends pas mal, je suis en train de. Je me prends. Je vous. Regardez, je le prends pas mal, je vous explique. Vous voyez, c'est la façon dont on dit les choses. D'abord, dans l'institution militaire, il y a des musulmans. Ouais. Mais que ce n'est pas écrit sur le front. Ouais. On a des aumôniers musulmans. Et on rencontre les militaires français de confession musulmane. Parce que les musulmans. Voilà, ce sont des militaires français de confession musulmane. Et la nourriture qui est servie, on peut la manger. En dehors de ça. C'est tout. C'était bien. Alors, la tirelire. Messieurs, donc, bon, j'ai expliqué hein, le concept de base recherché par les pouvoirs publics et l'armée qui, à mon avis, hein, applique plus qu'elle n'a voulu prendre l'initiative. Mais je pense que nos auditeurs ont pu avoir un petit aperçu. C'est dommage, ils n'ont pas les images des visages. Hein, c'est les faciès, ça compte aussi. Hein. Très dommage. Mais enfin, en tout cas, voilà. Ces gens-là sont censés être des Français, déjà, c'est même pas tout à fait clair. Et alors, visiblement, l'exercice. Ils sont aussi censés être des humains. Hein. Oui, voilà. Alors, d'après vous, l'exercice est-il concluant? Et s'il n'est pas concluant, qu'est-ce que vous voulez en retenir de cet échec, partiel ou total? Qui veut prendre la parole? Moi, je veux donner la parole à cette jeune maghrébine là, qui se plaint des menus à la fin du reportage en disant qu'est-ce que vous... Le militaire leur demande qu'est-ce que vous avez retenu et elle répond rien. Voilà. Ouais, rien. Comment ça, rien? Bah non, il y avait pas à manger pour nous. Comment ça? Ouais, les musulmans. Là, tu vois, l'officier, il est là. Ah! Puis, tu sais, il essaye de rentrer dans un jeu. Ouais, mais comment ça, t'essaies? Là, qu'on rentre dans de la psychologie, enfin bon, ça devient ridicule. Mais, alors, oui, mais non, mais c'est, il faut le noter, cet autisme-là du militaire. Parce que lui aussi, il croit à cette théorie conspirationniste qu'il a en face de lui des Français. Je vois bien que c'est pas le cas, mais il dit ah ouais, mais attends, comment ça, vous. La nana essaie, voit consciemment, elle remarque la différence, et lui, non, lui, c'est l'individu. Ou alors il a des ordres, hein, de toute manière, il suit les ordres, c'est un militaire, donc il comprend pas, il peut pas comprendre que le monde ne soit pas indifférencié. Quoi. Ouais, bah oui. J'ai vu des observations qui disaient, en commentaire, hein, parce qu'on on a publié la vidéo sur le site, on a eu différents commentaires, différentes réactions. Il y a des anciens militaires qui ont dit, qui avaient des réflexes un petit peu, je trouvais ça intéressant, qui disaient oui, mais bon, vous savez, il fait qu'obéir et tout, le mec est un colonel et tout, il a, avec tout ce que ça suppose au niveau des études, au niveau intellectuel, etc., bon, au fond, il fait qu'appliquer. Vous voyez, ce type de point de vue-là. Alors moi, je voulais réagir là-dessus, donc sur le rôle des uns et des autres, on va dire, quoi. Donc le militaire, évidemment, obéit. D'accord, ok, d'accord, très bien, j'entends. Mais ça ne nous est d'absolument aucune espèce d'utilité que de le savoir. Est-ce que, je donne un exemple, hein, mais est-ce que les paysans ukrainiens qui étaient affamés par les officiers politiques du NKVD avaient quelque chose à foutre du cursus universitaire des commissaires politiques du NKVD? Est-ce que ça jouait un rôle? Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est-à-dire qu'il faut avoir une réflexion politique. Donc si on a une vision passive du rôle des institutions dans un contexte dynamique politique, on va très vite exonérer tout le monde. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, finalement, le préfet, il avait ah oui, mais il a reçu un ordre. Et finalement, ça va être la faute à personne. C'est-à-dire que personne n'a jamais pris d'initiative. Ah oui, mais c'est le pouvoir politique. Puis on va prendre Macron, et puis Macron, il va dire, bah oui, mais vous savez, ça a commencé quand même très longtemps avant moi, donc c'est pas vraiment de ma faute. Alors on va vite se retourner, on va dire, bah c'est qui alors, Edo? Bah c'est peut-être Chirac. Ah ouais, mais il est mort. Donc, ah bon, bah en fait, c'est la faute à personne. Voilà, faut pas aller trop fouiller, quoi. Donc ce type de raisonnement, en fait, est une très mauvaise approche, puisque nous avons affaire à un système qui est mû par une idéologie et qui a une bureaucratie pour mettre en place cette idéologie. Donc quand elle est mobilisée, dans tout ou partie, eh bien, elle applique. Et moi, je crois qu'il faut vraiment, au contraire, il faut vraiment interroger le rôle de l'officier, là. Il faut vraiment l'interroger. Et on voit, en fait, que, comme tu le dis très bien, Derek, en fait, il adhère au projet. Il est peut-être sceptique quant à la faisabilité, mais il veut bien quand même, voilà, alors oui, mais... Et à un moment, j'ai adoré ce passage, c'est quand il dit « Ah, mais il y a des Français musulmans dans l'armée française. » Bon, il croit encore au truc. C'est-à-dire, il dit « Oui, mais la France multiraciale, l'Empire, en fait. L'Empire. Ces gens-là... » Ils veulent fabriquer des Français, en fait. Ben voilà, on reste sur cette idée qui peut séduire certains à droite, et c'est pour ça que ça amorce tellement bien, le constructivisme. On va créer un truc, donc la France est une idée, hein, voilà, c'est une idée, une abstraction, et on va la fabriquer, vous voyez, comme on monte une bagnole, vous voyez, on va la monter pièce par pièce, on va aller acheter des pièces ici ou là, puis on va monter un truc, ça s'appellera la France, vous voyez. Et comme, comme certains à droite ont un réflexe impérial, pour eux, ce qui compte, c'est la force. Donc, en fait, peu importe avec quoi on va fabriquer la France, tant que c'est une grosse cylindrée. Vous voyez, ça, par procuration, ça leur donne l'impression d'être puissant. Vous voyez, ils existent par procuration. C'est très, très faible, hein, comme niveau de réflexion. Hein, c'est très, très faible. Hein, et pourtant, ça meut, pour ainsi dire, l'essentiel de ce qu'on appelle la droite. Je ne dirais pas l'extrême droite, hein, mais la droite est émue par ce genre de réflexe. Voilà, on met un uniforme, un képi, deux, trois trucs qui font un peu de bruit, un peu gros, je sais pas, un gros tank, un truc, ouais, ça, c'est bon, ils sont conquis. C'est, voilà. Ça, typiquement, le truc du service militaire, enfin, service militaire ou ce genre de blague là, qu'ils ont fait avec le colonel et nos compatriotes. c'est l'arlésienne des boomers, quoi. Ouais. Ça fait des années, en gros, depuis que le service militaire n'existe plus, la plupart ont esquivé, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, ça oui, c'est bien, non, oui, mais c'est bien rappelé. Ils veulent envoyer les gens faire dedans. Le service militaire que nous, on s'est bien gardé de faire. Bon. Ouais, mais ce que dans mon temps, c'était dur, hein, machin, on rigolait pas, on avait beaucoup de douleurs, etc. Bon, par contre, moi, je l'ai pas fait, parce que tu te rends compte, j'avais un ongle incarné, mais bon. Ouais, donc, voilà. Bon, la première fois que j'ai entendu parler de ces mesures-là, pas les mesures du retour du service militaire pour en parler, mais il y a eu le service civique. Voilà, c'est une espèce d'initiative où on met cette classe en immersion dans l'armée pendant une petite durée de temps. En gros. Ouais, je pense que ce truc-là est encore un machin imaginé après Charlie. Tu sais, genre, on réfléchit, oui, oui, oui. On va faire des trucs. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, oui, les nègres. Ils vont aller passer une semaine à l'armée, ou enfin, je sais pas combien de temps ça dure, je m'en souviens plus. Mais c'est typiquement le genre de merde républicaine qui est faite pour mettre d'accord tout le monde. C'est-à-dire que les gens de droite, les gogols de droite et les gens de gauche qui vont se rejoindre, vont faire concorde autour des valeurs républicaines. Et voilà, on a fait un truc, c'est génial, éducation, c'est parti. Ouais. Bon, résultat, ça sert à rien, mais on va continuer parce qu'on est cons, hein, on y va. Hein. Mais tous les ingrédients sont pourtant là pour que, hein, on leur donne un drapeau, on leur donne un uniforme, on leur donne de la bouffe, donc bon, pas là, là, donc il y a quand même une nana qui gueule, de la marseillaise et puis un peu de droiture. Et après, on va... Ah, c'est bizarre. Mais avec tout ça, les nègres sont toujours des nègres. Ah ouais, effectivement. C'est très intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit à travers ce reportage? Il y a des moments où, à un moment, ils essayent de faire chanter la Marseillaise. On voit que c'est un échec complet. Hein, Et les types sont débraillés, ils sont paumés, ils se regardent, ils ne savent pas trop. Ce qui est très intéressant... Excuse-moi, comme pour la petite la bougnoule qui a fait un speech là... Ils ont envoyé une bougnoule là dans les cités là pour parler de laïcité. Oui, on va en parler. Ça s'est mal passé. On va en parler, ouais. Ce qui ressort, c'est qu'en fait, ils ne se sentent pas concernés. C'est ça, en fait. Ce sont des touristes, c'est-à-dire qu'ils sont là en passagers. C'est ce qui ressort du reportage. On voit que les types ne sont pas concernés. Or, le message des institutions et ce qu'essaye de faire l'officier, c'est de dire mais vous êtes concernés, vous êtes français. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent mais on n'est pas. On vit en France, mais on n'est pas français. C'est normal, tu leur envoies depuis leur plus jeune âge les signaux contraires, les signaux inverses, par tous les corps, tous les médias de la société. Les types, ils leur envoient faire un stage de, je sais pas, peut-être 5 jours dans une base militaire, et ils croient que comme par miracle, ils vont être là en mode cocorico tricolore. Bah, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Excusez-moi, mais ces gamins-là, il faudrait tout le poids de la société pour les reformater. Et encore. Oui, encore, parce que tu prends aux États-Unis, tu vois, où il y a une acculturation considérable des nègres pendant 4 siècles, ça marche pas, quoi. Je veux dire, ça marche pas. Bon, enfin, on peut pas transformer l'eau en vin, mais donc il y a le fait qu'ils ne se sentent pas concernés, et ce qui ressort du fait qu'ils ne se sentent pas concernés, c'est l'absence de sincérité. Et les droitistes, donc ceux qui vénèrent l'armée pour l'armée, qui vénèrent la hiérarchie parce qu'il y a une hiérarchie, vous voyez, bon, moi j'ai pas de problème avec la hiérarchie en tant que telle, à une seule condition, c'est qu'elle serve une, comment dirais-je, une fonction juste et légitime. Mais on a un problème, c'est que les droitards, l'esprit droitard, si vous voulez, préfère l'instance à la substance. Donc pour eux, il y a une instance, c'est bien. Et ils pensent que l'instance prime la substance. Donc, si on fout des nègres suffisamment, voilà, à la bonne heure, au bon endroit, là, avec des militaires, voilà, on va pouvoir pallier tout le reste, en fait, c'est-à-dire les fossés cognitifs, les différences religieuses, etc. Ça peut faire illusion sur certaines toutes petites unités, comme la Légion étrangère, où les types veulent aller à la Légion. Ils veulent y aller, c'est-à-dire qu'ils viennent là pour ça. D'accord ? Donc on les a pas forcés, ils y viennent d'eux-mêmes. D'accord ? Et il y a une discipline extrêmement dure, donc c'est tout à fait particulier. Mais le problème, c'est que les gens qui aiment l'instance, comme ça, qui croient que l'instance prime la substance, ils pensent qu'on peut étendre le principe de la Légion à toute la société pour peu qu'on y mette un peu d'effort. C'est une illusion d'optique. Vous ne pouvez pas éraser les différences génétiques, culturelles, religieuses, et pallier, comme tu l'as bien dit, Porovitch, 40 ou 50 ans de marxisme culturel absolument outrancier, où en plus, comme tu l'as bien dit, on leur apprend de toute façon à haïr le pays où ils se trouvent, et les Blancs. À partir du moment où vous leur inculquez la haine des Blancs, pourquoi les types voudraient même avoir un semblant de sentiment de solidarité à la garde des Blancs qui sont à côté d'eux? C'est pas possible, c'est impossible. Donc tant dans la méthodologie que dans les buts, ça peut pas fonctionner. Non mais ce truc-là, c'est une mise en scène, ça a été fait pour pouvoir faire un reportage sur France 3. Je suis d'accord, mais ça traduit quand même, en dépit du fait que ce soit une mise en scène, ça traduit quand même un paysage mental qui prévaut dans les élites dirigeantes. Oui, ils ont l'imaginaire d'un enfant de 7 ans, quoi. C'est assez gênant. Alors bon, le militaire, on sent qu'il est quand même en prise avec une réalité. Il sent que là, il a affaire à un matériau humain qui est pas au rendez-vous, quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il disqualifie l'idéologie dominante, mais bon, il sent que c'est bon, voilà, c'est pas concluant, quoi. Mais pour les élites, en fait, c'est pas important que ça marche pas. Ce qui compte, c'est qu'on croit que ça marche. Oui, il faut s'agiter, dire oui, ben, on a fait ça. Tu vois, donc, là, Macron, imaginons, il fait un débat avec un adversaire politique, il dit ah oui, mais on a fait ça, hein, on a fait tel. Rendre de la force à la République, on a mis en place ce service civique militaire, enfin, bon, peu importe le nom, ce bazar. Et voilà, j'ai fait quelque chose. Je suis républicain, je suis fort. Bon, ces gens-là sont en slip. Hein. La République, hein, c'est pas. Si elle a que ça à donner, ouais. Mais elle commence à prendre la chade. Bah, c'est la fin, hein. c'est la fin. Là. Ah, c'est la fin, hein. c'est en train de crever. C'est pour mon plus grand bonheur, hein, d'ailleurs. Ah, si ça c'est ça que je voulais. Si ça pouvait aller un petit peu plus vite, quand même, ça serait bien. C'est ça que je voulais ajouter par rapport à ce que vient de dire Derek, c'est pour mon plus grand bonheur aussi. C'est-à-dire, attention à ne pas avoir la mauvaise conclusion. Parce que là, donc, on a la preuve par A plus B que l'assimilation, bah, ça ne marche pas. D'accord, c'est un cas pratique. Tant mieux. Tant mieux. Les bougnoules, les nègres, ils ne s'assimilent pas. Tant mieux, pourvu que ça dure. Hein. Faut assez de bougnoules patriotes. Là. Oui, vous avez vu, je suis français parce que j'aime le saucisson. Non. Il faut que ça continue comme ça. Il faut que ça s'amplifie, ce mouvement-là. Avec un peu de rétrospective, quand je regarde ce type de spectacle, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces cons de braves paysans qu'on a été chercher un peu partout en France et qu'on a envoyé au front en 1914 pour une guerre à la con qui servait à rien. On en a fait tuer 1 300 000 au bas mot. Mais on a pu le faire parce que contrairement à ces bicots et à ces nègres, ils y ont cru. C'est toute la différence. C'est-à-dire que l'Arien, au fond, il est de bonne composition, il est courageux et il obéit. Et ces gens-là, paradoxalement, de par leur manfoutisme, de par le fait qu'ils ne se sentent absolument pas concernés par ce que peuvent vouloir faire les Blancs d'une manière ou d'une autre, eh bien finalement font preuve de bien plus de bon sens, sans le vouloir, hein, c'est pas théorisé, hein. Ça met la République française, ça met cette République juive dans une situation où elle ne peut rien foutre. Elle ne peut rien foutre avec des gens pareils. Alors qu'avec le bétail arien qu'elle avait eu jusqu'à présent, elle a pu en faire des choses. Elle a pu en faire. Alors rétrospectivement, je me dis, à un siècle de distance à peu près, quel dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup plus de bougnoules en 1914, parce que l'affaire aurait été réglée en 6 mois et non pas en 5 ans. Ça aurait été quand même moins coûteux. Parce que c'est quand même ça le truc. Donc, moi, d'un certain point de vue, je suis formidable, je suis très heureux aussi, comme vous, très heureux, de voir que cette République, qui misait gros hein, sur ces nouvelles recrues du tiers-monde, va de déception en déception jusqu'à la déception fatale, à mon avis, qui se rapproche d'ailleurs, et c'est très très bien, et c'est très très bien. Or ça, vous voyez, ce type de distance critique, de dire, est-ce que nous, est-ce qu'on a des billes dans la partie en 14-18, vous voyez, en 14, toute l'extrême droite a foncé, les yeux fermés, à l'abattoir, les yeux fermés. Il y a quelques types à gauche qui ont fait preuve d'un peu de lucidité, pour les mauvaises raisons d'ailleurs, mais ils ont fait preuve d'un peu de lucidité. Ils ont compris que c'était une affaire qui allait mal tourner. Oui. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des types qui avaient fait la première, qui avaient tiré les conclusions, typiquement Louis-Ferdinand Céline. Il avait tiré les bonnes conclusions. Il y a des gens, à droite, si vous voulez, avec ce réflexe vis-à-vis de l'armée, c'est-à-dire de l'amour de l'armée, parce que c'est l'armée, sans savoir quel but elle sert. L'amour de l'uniforme pour l'uniforme, parce que c'est un uniforme. Et ainsi pour toutes les institutions. C'est ce réflexe, vous voyez, ce réflexe loyaliste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui crée, à droite, cette volonté de trouver les bons bicots, les bons nègres, ceux qui, comme nous, vont se soumettre aveuglément au pouvoir établi. Voyez. Et c'est des gens comme ça que les identitaires, que le RN et compagnie portent nu. Vous voyez, c'est les Ineb Razouiz et les ce besoin de trouver des bons bicots qu'on va pouvoir faire marner comme on fait marner des berrichons. Voilà, ils vont bien se soumettre aux juifs, ils vont faire le boulot, ça va être génial. Et c'est pour ça que cette presse-là, c'est les Valeurs Actuelles qui mettent en avant les Carterons, les machins, ils cherchent leur bon nègre. Ils sont désespérés parce qu'en amour, il faut être deux. Hein. Ils sentent qu'ils sont un peu seuls. Quoi. Alors bon, ils essayent de trouver comme ça des petits pis-allers, mais ça ne fait pas bien l'affaire quand même. Hein. Une question de nombre aussi. Et moi, ouais, ça m'enthousiasme. Je vous le dis tout de suite, ça m'enthousiasme. Le Célinien qui est en moi est très, très, très content de voir que on ne trouve pas dans notre immigration afro-maghrébine ce qu'il faudrait de larbin pour servir cette république juive infecte. J'en suis très heureux. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est un petit peu votre sentiment. Hein. Moi, j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins ce que vous disiez. Hein. Avec d'autres mots, ouais. Mais c'était ça. Fulbert, je ne t'ai pas entendu. Et bon, c'est peut-être un domaine que tu connais quand même un peu. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Rien de bon, évidemment. En tant que professionnel, tu vois, de voir qu'on commence à coller dans les pattes des officiers, on leur dit, allez, prenez-en quelques-uns, essayez d'en faire quelque chose, comme ça. Qu'est-ce que toi, tu vois, comment tu verrais ça, toi, juste comme ça? Bon, bah, écoute, moi, je ne vais quand même pas te contredire, parce que tu as totalement raison, c'est voué à l'échec. Ça, c'est certain. Il y a plusieurs choses qui apparaissent dans le petit documentaire, là, hein, dans le... Oui. Je ne vais pas les détailler parce que tu m'as dit en tant que professionnel, tu me donnais la parole, mais moi, il y a 20 ans maintenant que je suis hors du coup, mais il y a 20 ans, je voyais déjà certaines choses apparaître, hein, comme par exemple faire une armée, pas une armée, mais des éléments de l'armée constitués de jeunes qui ferait une forme de volontariat à court terme, etc., etc., et en faire une armée de réserve, en quelque sorte, des éléments de réserve. Ils prenaient à peu près n'importe quoi dans le projet. Ils ont sans doute dû faire des essais qui ont foiré, le genre d'essais comme ce qu'on vient de voir dans le documentaire, hein, qui n'est pas du même niveau, mais pas loin. Non, il y a... Ça va l'échec, il n'y a rien à faire. Je pense que tu as bien analysé la situation. Il n'y a rien à tirer de là-dehors. Il y a juste un petit point sur lequel je voudrais insister, c'est que tu parlais du militaire et de l'officier en question, hein, et de son rôle un peu, allez, que je vais qualifier de naïf. C'est vrai, tu as parlé de l'obéissance. C'est vrai aussi, le type, il fait ce qu'on lui a dit de faire. De plus, je remarque que c'est un lieutenant-colonel. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine espérance de poursuivre une carrière à plus haut niveau. Donc le type va marcher à fond dans ce qui lui a été demandé. Hein, il va y mettre du cœur. Peut-être même est-il sincère dans le fond. Mais c'est foutu. Et je suis certain que ce monsieur, il lui a sûrement pas fallu longtemps pour comprendre qu'on l'avait envoyé au charbon. On l'a envoyé dans la mine et il va y rester. Mais bon, ça, voilà. Non, c'est foutu. C'est un cul-de-sac ce qu'ils font là. Alors, ce qui les sauve, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une armée, comme il y a pu en avoir par le passé, où il fallait mobiliser le peuple pour aller au front, parce que vous imaginez bien, avec des éléments comme ça, ça n'aurait pas été très loin, quand même. Donc, ça va. C'est certain, d'autant plus que le rôle de l'armée aujourd'hui a fortement évolué. On n'a plus, c'est ça le gros point, nous n'avons plus, nous, Européens, des armées dont la destination première est de défendre les frontières, de défendre le territoire, de défendre la terre des ancêtres. Nous avons des armées qui servent de ci, de là, à des intérêts politiques parfois des intérêts financiers, économiques, mais qui ne servent plus à défendre les frontières. Mieux, on ouvre les frontières, on fait rentrer justement cette faune que l'on a vue dans le documentaire, et on la fait rentrer en masse. Les cons, les tarés, les tordus, les inadaptés, moins que rien. Et on les bénit, et on croit qu'on va en faire quelque chose. Mais aux yeux de ceux qui, hier, étaient partants pour aller à la grande boucherie, naïvement sans doute, mais ces gens-là ne marcheront plus. On ne défend plus leurs frontières et on leur demande d'aller dans une armée qui va servir des intérêts particuliers. Bonsoir. Ouais, c'est tout à fait bien résumé. Ça, c'est peut-être un petit point que tu soulèves et qui est utile enfin, sur lequel il faut insister. Et moi aussi, on est quand même un certain nombre à en faire l'observation. D'ailleurs, c'est pas spécifique à nos milieux. La gauche aime le faire aussi. Enfin, en tout cas, la gauche radicale. Mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion totale entre l'armée et son caractère jadis national, ou supposé tel, qui était d'autant plus renforcé par, la conscription, hein, par définition. Tout le monde était censé servir à l'armée. Bon, en pratique, ce n'était pas tout à fait vrai, bien sûr, hein, mais c'était ça au départ. Or, aujourd'hui, finalement, l'armée est une armée professionnelle, qui est encore financée d'ailleurs par les contribuables français, mais qui ne défend pas spécifiquement le peuple français en tant que tel, mais qui défend les intérêts politiques et surtout les intérêts économiques réels ou supposés, sauf dans des cas très particuliers où l'armée française fait un travail vraiment purement sécuritaire, et, bon, ou en tout cas que les décideurs politiques estiment être sécuritaires. Bon. Mais il y a des affaires où on se retrouve mêlés qui sont vraiment des chantiers de sagouin, vraiment. Si je peux me permettre de... Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Figure-toi que tu viens de soulever un point là que je n'avais pas moi-même parlé, mais c'est vrai que la mise, par exemple, dans des histoires de plans Vigipirate, de la sécurité contre le terrorisme et compagnie, on met l'armée dans la rue, mais on lui enlève son rôle de militaire, on lui donne un rôle de police. Et le cœur, dans le fond, n'y est plus vraiment, parce que les règles d'engagement et compagnie, tout ce qui en découle, ne correspondent plus à la mission du soldat. Oui, bah, tout à fait, mais de toute façon, c'est ce que tu dis. L'armée était jadis nationale, elle était de conscription. C'était une armée populaire, normalement, avec une dimension, oui, presque politique, de par son caractère national. Aujourd'hui, on est dans un système post-national, les frontières ont été démantelées. N'importe qui arrive en France, c'est organisé au plus haut niveau, et les mêmes élites qui organisent l'invasion, ça c'est complètement fou quand on y pense, hein, historiquement, hein, c'est un renversement total, les mêmes élites qui organisent l'invasion projettent l'armée en dehors, même de l'Europe, pour aller défendre des intérêts totalement obscurs, comme en Irak, en Syrie, en Afghanistan, les Français comprennent rien, ils ne savent pas du tout pourquoi. Et ils recrutent à peu près n'importe quoi. Qui veut bien servir. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'halogènes dans les rangs de l'armée. Il y a beaucoup de musulmans. Il en est très fier, d'ailleurs, le lieutenant-colonel. Il y a des musulmans qui servent. Oui, ils font un contrat, quoi. Bon, si jamais ça barde en France et que chacun est plus ou moins impliqué directement, est-ce que ces fameux militaires français, musulmans, vont se comporter comme des militaires français ou bien comme des militaires musulmans? Je pose la question. J'ai déjà la réponse. Donc, on voit bien, en fait, on est dans l'ère post-nationale. Et donc, finalement, là, avec cette tentative, on voit bien, ils essayent de... c'est très symbolique, d'ailleurs, c'est pas réel, il n'y a pas d'effort. Macron a essayé son service civique, c'est une vaste blague. Bon, c'était juste de permettre à des nègres de toucher le cul de blanche, en fait. Hein, c'était ça, hein, c'était ça le but. Bon. Mais on fait semblant d'essayer de croire qu'on pourrait, comme ça, à dose homéopathique, ressusciter une espèce de sentiment d'appartenance commun comme il y avait pu avoir lors des services militaires qui existaient quand la France était encore homogène. Mais c'est une fiction. On ne sait pas quel taré a pu avoir cette idée. Et j'en profite, parce qu'il faut bien quand même blâmer quelqu'un, pour parler un petit peu du général De Villiers, dont on voit la sale trogne ces derniers temps dans les médias. Il revient. Oui, il a écrit un livre, là. Ouais. Il se met en avant. Ouais, commandé, chef. Des propositions politiques pour faire tourner la France en rond. Bon. Alors, oui, alors pourquoi je voulais parler de lui ? Outre le fait qu'il est auréolé à droite, c'est à pleurer ça aussi. Mais je veux dire, non mais bon, voilà, bon, il est auréolé d'une, je sais pas quoi. Et... Bah, il a un képi, voilà. Ouais, il a un képi, tu vois. Bon, bref. Et alors, c'est un grand ami de la diversité. Hein. Alors lui, il n'y a pas besoin de beaucoup le forcer. Il dit, il aime les gens de couleur, il aime les gens des banlieues, il aime les jeunes. Il aime le jeunistan. Hein. J'ai vu une séance, un photoshooting dans une banlieue. Hein. C'était des grandes photos. Hein, c'était un photoshooting. Hein. Il était avec des gros nègres énormes au pied des tours à faire semblant de taper dans une balle. Alors quand tu connais le background familial de De Villiers, hein, c'est les familles aristocratiques, catholiques, tout ce qu'il y a de plus... Enfin là, c'est l'entre-soi le plus strict. Hein. Aller taper le ballon avec des négros de banlieue pour se dire proche du peuple, alors de quel peuple parle-t-on ? Hein ? En vue d'une possible candidature il y a beaucoup de choses très intéressantes en mouvement. Donc moi, quand je vois que l'armée sécrète ça, si vous voulez, heureusement, elle sécrète pas que ça, hein, je veux dire, au niveau des lieutenants, des capitaines, bon, ça, on le sait. Donc les mecs qui font la guerre, hein. Les mecs qui font la guerre, c'est jusqu'à colonel, hein, à peu près. C'est en dessous, quoi. Mais au-dessus, c'est tous les politiciens, tous les carriéristes, bref. Et alors, donc on a des deux vidéos, voilà. Alors bon, il est candidat, il aime les bougnoules, il veut jouer le grand frère, en gros. Mais c'est ça, hein, il veut jouer le grand frère à képi. Et bon, c'est Gamelin, quoi. C'est le Gamelin de la diversité. Alors, juste là-dessus, est-ce que quelqu'un a envie de me dire du mal de De Villiers, quand même ? Ouais, parce que moi, j'ai lu son papier dans le Figaro, il a fait un petit papier, une petite interview, ouais. Là, par rapport à on sait pas trop quoi, d'ailleurs, parce que, en fait, c'est le genre de type, on a même du mal à dire du mal de lui, parce qu'il dit tellement rien, c'est compliqué. C'est oui, non, je crois que... Alors, il y a une proposition choc, hein, c'est... faut fermer les mosquées où on prêche ouvertement le djihad. Voilà, c'est super. Donc, oula, ça, c'est... Pour un mec comme De Villiers, c'est une proposition assez audacieuse. Hein. C'est le top. Le top du top de son programme, c'est ça. Et ça, c'est de la pisse, quoi. C'est, tout ça est tellement fade. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Mais bon, il a un képi. Donc, les mecs de droite... Ah ouais, donc là... Ah, il a un képi, quoi. Non, mais il a un képi, c'est bon. Ouais. Putain, de l'eau de vaisselle, quoi. Tu parlais de son physique, c'est vrai qu'il est laid. Hein. Son frère aussi, hein, Philippe, tous les deux, très très laid, des nez bizarres, des yeux de fouine. Je me demande quand même si au niveau des ancêtres, il n'y a pas eu des problèmes de finances et des mariages d'intérêts suite à la Révolution. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je connais l'histoire du Puy du Fou, mais je ne sais pas si on en a parlé dans l'émission. Je crois que si, on avait parlé des sinistres trahisons De Philippe De Villiers pour mettre la main sur le Puy du Fou, qui à l'origine est une initiative collective populaire dans laquelle il a joué un rôle important. Hein. Mais il a privatisé ça, il s'est accaparé le truc, il a privatisé, il a mis ses fils. Son fils de... Ah ouais, non, c'est ignoble. Ces gens sont des népotistes en puissance, il n'y a rien à faire. Les aristocrates, c'est ça, hein, c'est des népotistes. Bah, le principe de l'aristocratie en France, historiquement, enfin, dans d'autres pays, hein, enfin, historiquement, c'est le népotisme. Hein, c'est tout pour la famille, hein. Le reste, voilà. Indépendamment des qualités, je veux dire. En ce sens-là, bon. Ce qui a amené à leur chute. Hein. Oui, totalement, mais bon, voilà. Alors, je ne connais pas le mystère du général De Villiers. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il veut. Il veut devenir président, pas président. Ça paraît assez clair, quoi. Il est Non, bof, hein, justement, c'est que c'est pas clair. Ouais, je trouve que c'est pas clair. Ouais, je suis assez d'accord. Il a dit qu'il était un homme de responsabilité et pas un homme de pouvoir. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Moi. Ah, bah bon, là, ça commence. Alors, lui, il connaît pas les règles de la politique. Si tu commences, t'arrives en politique, tu te dis, bon, alors, les gars, moi, premier truc, je tiens tout de suite à clarifier. Hein. Moi, le premier truc, hein, je suis pas du tout intéressé par le pouvoir. Bon, ouais, les gens, ils passent leur chemin. Hein. Non, mais bon. Bah, ouais. Non, c'est. Bon. C'est non, mais ça, c'est... Non, mais c'est une sainte nitouche, c'est une sainte nitouche, c'est une sainte nitouche. Oh là là, attends. Le mec, il t'allume et tout, il déballe le truc. Et non, mais tu sais, ce mais type moi, avant le mariage, moi, non. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Il est... c'est un robinet d'eau tiède, quoi. Il est là, il est juste là à vendre son image de général. Parce que les Français veulent... Ouais. Bonne partie des Français ont toujours le culte du mot général ou de l'homme providentiel. Ouais, donc il va se poser là. Quoi. Donc je me pose là, je dis des banalités et puis je vais être élu. En gros, c'est ça. Hein. Bon, il a autant de charisme que François Hollande. Hein. C'est le problème. Ah non. Hollande en a plus. Hein. Moins de charisme qu'Hollande. Hollande, c'est un mec qui fait des blagues déjà. Imaginez. De Villiers faire des blagues. Il peut pas. On a une tradition comme ça à droite. Hein. Il y a aussi la candidature du général Martinez, là, qui est complètement inconnu. Hein. C'est un type. Le traiteur intraitable. Il a autant de charisme. Alors déjà, faut pas que je parle au passé parce qu'il est vraiment candidat pour le coup. Enfin, personne ne le connaît. Encore mais t'as des types à droite. Ouais, attends, général Martinez. Il a un képi, c'est bon. Ah non, moi j'en peux plus de cette droite débile. Les mecs, s'il vous plaît, suicidez-vous. Ça, c'est au moins une maladie que les gens de gauche n'ont pas. Hein, c'est vrai. Tous hein ces généraux là, tous ces officiers supérieurs, ils ont tous un projet commun, hein, malgré leurs différences doctrinales, on va dire ça comme ça. C'est de faire porter d'autres képis des nègres pour fabriquer des Français. Ouais. Ah putain, mais j'ai vu parce un truc comme ça sur voilà. Internet. Un mec, il montre un nègre à képi, vous voyez, je sais même pas de quelle arme en plus. Il est plus français que moi, le mec, il marque en commentaire. Un officier de Saint-Cyr, ouais. Il est plus français que moi, parce qu'il a un képi, tu vois. Bah, oui. Ouais, et ça, c'était popularisé par des royalistes qui sont présents sur Internet, qui ne trollent pas, hein, qui sont sérieux. Ah ouais, c'est dommage, des royalistes qui... Parce que Maurras, là-dessus, est quand même... assez clair, je veux dire, quand même, hein, je veux dire, bon, je sais que Maurras a parfois été ambigu sur certaines actions, on peut pas dire qu'il ait dit que le nègre plus ultra de la France soit de devenir une France nègre, hein, donc cette dichotomie me paraît assez curieuse, mais non, mais c'est, de toute façon, bon, le royalisme, de toute façon, a basculé dans le constructivisme de gauche, donc il n'y a plus trop grand-chose à en dire, hein. c'est du chevènement, quoi, képi, basané, marseillaise, voilà, c'est... Ça marche, ça c'est bien, c'est la royauté française. Ok. Avec une messe quand même. Hein. Bah. Oui, voilà, une messe pour Louis XVI. Une voilà. Messe avant le séminaire pour augmenter sa libido. Hein. Oui, parce que nous avons des nègres de séminaire qui se découvrent des... Oh, oui. des vocations tardives, mais écoutez, somme toute respectables, hein. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour juger. L'aigre de la tradition, s'il te plaît. Oui, non, c'est traditionnalisme progressif, tout ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur... Alors, on est censé faire la guerre, hein, quand même, avec cette armée-là, je précise quand même au passage. Heureusement, il reste... Ils vont nous faire la guerre, ouais, c'est possible. Non, il reste encore des blancs dans l'armée, c'est pour ça qu'ils arrivent, enfin, Macron arrive encore à faire des trucs, à peu près, hein. Mais à l'horizon 2040, bon, question est posée hein, avec ses recrues. En plus, il a dit, hein, et pourquoi j'y parlais aussi, pourquoi je voulais aussi parler du général de Villiers, c'est parce qu'il avait dit, sans en faire mystère, hein, il disait voilà, c'est les quartiers, donc sous-entendu les banlieues ethniquement occupées, c'est l'avenir de l'armée. C'est là que ça se passe, quoi. C'est là qu'ils recrutent, quoi. Ils recrutent des nègres et des bicots, quoi. Voilà. Donc pour eux, c'est voilà. On va trouver là que des recrues. Donc. Je pense qu'il prend l'exemple sur Bergoglio. Hein. Bergoglio, lui aussi, ses recrues, c'est les nègres. Hein. Ouais. Les chercheurs en Afrique. Bah, général de Villiers, bon, lui, ses recrues, c'est pareil. Hein. C'est, il va les chercher en Afrique, mais l'Afrique, elle est déjà à domicile, donc c'est tant mieux. D'ailleurs, Feu al-Baghdadi recrutait aussi principalement dans les banlieues. Donc comme quoi, tout le monde va recruter dans les banlieues, c'est assez étonnant hein, quand même. Bah, les bougnoules aiment bien les armes, hein, mais je sais pas vers qui ils vont les pointer. Ouais, voilà. En fait, tout le monde recrute au même endroit, mais pas pour les mêmes raisons. Mais tout le monde recrute au même endroit. L'Action française, al-Baghdadi, l'armée française, Bergoglio. Enfin bon, tout le monde on va faire ses courses là-dedans. Étonnant, hein. Ils sont tous attirés par la merde. Les banlieues que le monde nous envie. Ouais. Et que le monde entier déverse chez nous aussi. Hein. Ah ouais. Alors messieurs, je vous dis, on va faire une pause musicale, puis on va se retrouver tout de suite après. Hein. Pause musicale, chers amis. Quae sifidet in singlios, quae mors sufrit che passibum or vos non dece sanneus ella gem sanguin lecedum mut vigiluntait de videntes or lumen des feredum Fiore Lisa, ad vos et ad vos orbis plesserunt saphili pecur qui bien ferunt cursavunt iusunt in selve soem servir pur la venganse Deo fugir per la fuga primesser per ne conurum per se nu Fiore mia Messieurs, nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 40. Alors, avant d'entamer la discussion de la semaine, un sujet un peu connexe hein, avec ce qu'on a abordé dans la première partie, et nous allons aller vers Rome, hein, siège de la papauté, Vatican, où le pape François a franchi une nouvelle étape. Dans la modernisation de l'Église catholique. Hein. Et c'est la RTBF qui nous en dit plus, donc un média belge. Alors voici, c'est très court, hein, dans un documentaire projeté en avant-première mercredi au Festival international du film de Rome, le pape François confie soutenir le mariage civil homosexuel, rapporte à l'agence de presse américaine Associated Presse, AP. C'est la première fois qu'un souverain pontife, donc quand il dit la première fois, c'est la première fois en 2000 ans, depuis le Christ, hein, qu'un pontife se déclare en accord avec les unions civiles entre personnes d'un même sexe. Je cite le pape, « Les personnes homosexuelles ont le droit de vivre en famille. Ce sont des enfants de Dieu. » déclare François dans une interview accordée au réalisateur Evgeny Afinevski dans le cadre de son long métrage Francesco. Ce qu'il nous faut, c'est une loi sur l'union civile afin que ces couples soient légalement protégés. Alors, et je suis sûr que nos participants ont des choses à dire sur ce sujet. Je vais donner la parole. Qui veut commencer sur cette question? On touche aux mœurs et à l'évolution du discours et même de l'enseignement de l'Église catholique sur les mœurs. Est-ce que qui veut entamer? Ouais. Ok, ouais, Derek. Vas-y. Moi, ce que je remarque dans cette affaire-là, c'est que l'Église s'était effacée sous prétexte de ce qui est à César, rend à César ce qui est à César, enfin, la séparation du pouvoir temporel et spirituel. Mais maintenant que cette organisation est mûre, hein, on va dire, eh bien, elle peut se permettre, donc par le pape, de faire des préconisations au pouvoir temporel. C'est-à-dire qu'il est, oui, c'est, il faut qu'il y ait des unions civiles pour reconnaître légalement les PD, hein, les familles de sodomites. C'est fantastique. C'est assez sympa. Deuxième point deuxième réflexion qui m'est venue cette semaine quand j'ai vu ça, c'est le fait que, bon, on a déjà souvent parlé, mais le clergé est truffé de sodomites, hein, particulièrement au Vatican, et il recrute, comme j'ai encore dit tout à l'heure, des nègres partout et les fait venir en Europe parce que c'est, enfin, l'Église a besoin, c'est son marché, quoi, c'est le marché des âmes. Bon, si tant est que les nègres en est une, bon, c'est encore une autre histoire. Mais pour survivre, si le clergé n'est composé que de nègres à terme, hein, parce que bon, regardez ce qu'il y a dans dans les églises pour célébrer la messe, c'est très souvent des nègres maintenant. Les vieillards nous quittent tous les uns après les autres, donc ça sera bientôt plus que des nègres. Et je pense que certains se sont dit, si on laisse la maison totalement aux nègres, bon, ça va pas durer, ça va pas marcher. Donc il faut qu'on continue de recruter des homosexuels. Donc, d'où cette sortie-là, pour faire un appel du pied et susciter des vocations dans le clergé. Oui, auquel cas, si cette stratégie était juste, à mon avis, je pense qu'il y a un fond de vérité dans ce que tu dis, l'Église catholique deviendrait la première organisation à créer des fonctionnaires dont le but est d'être homosexuel. Oui, c'est ça. Qui n'existait pas jusqu'à présent, parce que, comme vous savez, vous avez des fonctionnaires qui ont des tâches diverses et variées, bien sûr. Oh, enfin, dans l'encadrement du FN et la mairie de Paris, ça a déjà été essayé. Il y en a, mais ils ont une double casquette, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction, tandis que là, leur fonction, c'est vraiment d'être homo. C'est-à-dire qu'on va les ordonner, vous voyez, quelque part, et ce seront juste des animateurs homosexuels de communautés homosexuelles, en fait. C'est ce que veut dire Derrick, voilà. Et au milieu, ils seront au milieu des nègres, mais ils tiendront les échelons supérieurs, en fait. Et c'est une réflexion qui est très, très, très intéressante. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas juste raisonner en termes de valeur morale, en disant, oui, mais ils s'adaptent à l'ère du temps, etc. Indéniablement, ils s'adaptent à l'ère du temps. Mais il y a aussi, je crois, et je suis d'accord avec Derrick, une véritable stratégie de recrutement dans cet environnement démocratique occidental. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, à la fois, ils appartiennent de toute façon au mouvement LGBT mondial, enfin, de par la composition maintenant du clergé dans son immense majorité, de toute façon, ils sont de facto membres du mouvement LGBT, mais je crois que l'Église catholique veut devenir la principale organisation LGBT internationale. C'est visiblement sa stratégie. Et pas nécessairement d'ailleurs pour l'afficher, hein, encore que, laissons-lui un peu de temps, mais d'abord et avant tout pour recruter, parce qu'ils ont bien compris que entre ça et les nègres, donc entre les réseaux LGBT et les nègres, eh bien ça leur redonnerait un peu de puissance quand même. Et parce que s'ils reposent uniquement sur les familles traditionnalistes, que par ailleurs ils conchient, hein, c'est sûr que la puissance ne sera pas tout à fait la même. Donc il y a là une stratégie. Qui tiens, peut-être Pierrot, un mot à dire là-dessus, sur le fond, sur la forme, la théologie, l'enseignement, qu'est-ce que tu as envie d'en dire de ça, de cette sortie? Ouais, bah, C'est objectivement hérétique. Ça, on peut pas le. Il est censé enseigner la morale et de défendre les mœurs. Qu'est-ce que tu voudrais me dire là-dessus? Commençons par ça. Le pape, ouais, en tant que gardien de l'enseignement de la morale, nous dit, voilà, les PD, maintenant, il faut qu'ils se marient en mairie. Toi, tu me dis quoi? Tu réponds quoi à ça? Déjà, je suis obligé de commencer par dire qu'en fait, j'ai une réaction, enfin, j'ai pas beaucoup de réactions parce que ça fait un petit moment que j'ai jeté l'éponge, en fait. C'est-à-dire que je n'attends tellement rien de Bergoglio que j'ai envie de dire un de plus, un de moins. Voilà, je te fais cette confession, hein. Pour le coup, la confession est. Ouais. Confiteor de omnipotenti, j'ai jeté l'éponge au niveau du pape. Mais c'est toujours la même chose. En fait, c'est-à-dire qu'ils en disent assez pour que ce soit choquant, mais il y a toujours un tout petit filet de sécurité derrière qui fait que, ouais, on peut pas être. C'est pas comme si, je sais pas, demain le pape annoncerait, bon, allez, maintenant c'est officiel. À partir de demain, on va canoniser Luther. Tu vois, là, tu as la rupture nette, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, c'est criant, c'est fait, c'est acté. Et là, du coup, il s'exprime dans un cadre privé, mais il est pape. Et puis, il parle d'union civile, mais donc, c'est pas en rapport direct avec l'Église. Mais bon, l'union civile est reconnue quand même par l'Église. C'est toujours très, très ambigu, toutes ces conneries-là. Mais bon, effectivement, sur le caractère purement factuel de la chose, c'est extrêmement choquant. La seule, en fait, comment est-ce que le pape devrait agir? C'est le pape devrait réagir comme le Christ. Donc, par rapport à ce genre de questions, c'est bah écoutez, le message christique, il est simple. Le paradis, faut le mériter, faut faire des efforts. Donc, si vous avez envie de mettre votre pite dans un anus, bah non, ne le faites pas, parce que sinon vous risquez l'enfer pour l'éternité. Voilà, c'est le genre de message qui devrait sortir naturellement. Mais à part ça, on a. Si vous voulez, le Christ n'a pas dit bon, les gars, il y a des voleurs, il y a des violeurs, il y a des pilleurs, tout ce que vous voulez. Finalement, bah, continuez à agir comme des mauvais hommes et vous aurez tous le paradis. Ça, c'est l'antithèse du christianisme. Voilà. C'est un peu ce que vient de dire Bergoglio, quoi. C'est finalement, Dieu vous aime comme vous êtes. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est le slogan de chez McDonald's, quoi. C'est venez comme vous êtes. C'est totalement l'inverse du message de Christ, c'est totalement l'inverse, c'est « Vous devez vous repentir de vos péchés si vous voulez accéder au bonheur éternel. » Voilà. C'est pas « laisser couler et puis on va fumer des joints, sortir la guitare et tout va bien se passer. » Non. D'autant plus que, je dirais pas le paradis est réservé à une élite, d'accord, c'est pas ça que j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est très clair que peu se sauveront et beaucoup se donneront. Voilà. Non, mais c'est clair que bon, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour peut-être son amour est inconditionnel, mais pas son pardon. Et il faut reconnaître quand même, il faut être capable de reconnaître ses péchés pour se repentir. Et pour ça, il faut être très clair sur ce qui est un péché et ce qui n'est pas péché. Donc pour l'homosexualité, il est très clair que c'est niette. Donc bon, visiblement, bah non, hein. Bergoglio a un autre avis sur la question, mais c'est pas celui de l'Église catholique, hein, ça c'est sûr. Bah, le problème, oui, mais moi, le fait est qu'il n'est repris par personne. Je voyais un évêque, là, enfin, il y en a eu beaucoup, mais qui dit, oui, je suis d'accord avec le pape. Etc. Donc, on voit bien que tous ces évêques, ce pape, cette papauté, etc., ne croient même plus, je veux dire, aux éléments les plus élémentaires, les plus incontestables de l'enseignement chrétien. Franchement. C'est incontestable. L'homosexualité, il suffit de lire les actes des apôtres. Pour ceux qui ont un peu de curiosité, Nouveau Testament, on se verse dedans, on lit. Ça ne veut pas dire qu'on est croyant, mais simplement par curiosité, on lit. Et on va découvrir que Saint Paul déclare, mais sans aucune espèce d'ambiguïté, que les homosexuels seront livrés aux flammes de l'enfer. D'accord? Alors, ceux qui ne croient pas, bon, ils s'en foutent. Ceux qui sont agnostiques, ils s'en foutent. Mais le pape n'est pas censé être agnostique, il n'est pas censé être athée. Il est censé défendre la religion dont il a la charge, on est bien d'accord. Donc, des propos comme ça, on en entend tout le temps, je veux dire, dans nos familles, dans nos amis. Très bien, d'accord, mais ils ne sont pas papes. C'est la différence. Et Bergoglio commence à parler comme le tout venant, oui, on s'en fout, voilà, tout vaut tout, bouddhiste, musulman, tout ça c'est bien pareil, etc. Puis l'enfer, est-ce que ça existe vraiment? Il a dit ça, hein, dans des interviews, hein, il a dit, bon, l'enfer, ça n'existe pas vraiment. Voilà. Donc, si vous lisez les évangiles, si vous lisez les actes des apôtres, vous lisez Saint Paul, il y a une condamnation sans aucune ambiguïté de l'homosexualité. Alors, de deux choses l'une. soit Saint-Paul ment, soit Bergoglio ment, le pape ment. Et visiblement, si j'en juge par les réactions des évêques et de l'immense majorité des gens qui fréquentent l'Église, Saint-Paul s'est gouré. Il s'est planté, il ne savait pas, il n'était pas au courant. Bon, c'est con pour un apôtre. Bon, c'est bon, il s'est planté. Bien. Alors, dans ces conditions, si vous voulez, comme apparemment les innovations récentes, hein, bon, ça date de cette semaine, hein, donc, prennent le pas sur les antiques enseignements bimillénaires de l'Église, bon, alors, moi je vois pas, et comme personne n'appelle, ne dénonce l'hérésie, ou très peu de gens, je veux dire, il va peut-être y avoir quelques théologiens, quelques, mais ils ne seront même pas entendus, et de toute façon, ça n'aura pas de conséquences institutionnelles au sein de l'Église, parce que de toute façon, ils sont marginalisés et tout. Donc voilà, moi, alors, bon, j'avais fait une proposition, je crois. Mais je propose qu'on foute Bergoglio et sa bande dans un avion, direction la Centrafrique. Voilà. Ils foutent le Vatican là-bas, tout ce qu'ils veulent, là au milieu des nerfs, ils sont très contents. Et puis on récupère Saint-Pierre de Rome. Hein, voilà. On en fera quelque chose de mieux. Voilà. On n'a plus besoin de ces gens. Parce que entre organiser la sodomie à l'échelle institutionnelle en Europe et faire venir des nègres, moi je ne vois pas bien à quoi sert l'Église catholique en 2020, si vous voulez. Qu'est-ce qui distingue l'Église catholique de la mairie de Paris, en fait? Je ne sais pas. Ouais. Même fond, oui, c'est... Ah si, si, ah, si, oui. Si, si. Bah, d'ailleurs, ils s'entendent tellement bien que vous avez le nonce apostolique à Paris qui touchait le cul du personnel de la mairie de Paris, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Bah oui, voilà. Ouais, donc ça devient, oui. C'était pas très content, il disait, il me touche le cul, etc. Et alors, où est le problème? Il a un col romain, c'est sexy, non? Parce que dans leur manifestation pour PD, là, ils se déguisent en nonne ou bien en curton, là, tu sais, ils aiment bien faire ça, tu sais. Puis en chien aussi. Ils ont, des gens normaux, hein, des gens comme vous et moi. Donc, oui. Comme vous et moi, oui. Moi j'aime bien ton idée d'avion, d'ailleurs, pour les gens, on en parlait tout à l'heure, qui pensent que la France est une idée, bah, ils pourraient aussi prendre un avion et aller déménager au pays imaginaire, pays des idées. Ouais. Bon, on a récemment parlé aussi des hauts faits des catholiques bizarres. Mais vos faits, c'est quels sont vos faits? Non mais j'ai du mal parce que j'ai du mal parce que maintenant, si vous voulez, il y a des gens qui essaieraient de nous faire croire. Enfin, bon, moi je comprends, hein, des gens comme Pierrot et tout qui ont leur foi et tout, d'accord. Mais ça devient très compliqué, si vous voulez, aujourd'hui, de dire voilà, mes crèches, mon clocher, mes traditions, c'est, et quand leur église est peuplée de ça, quoi, ça devient quand même très compliqué. Voilà. Alors, bon, voilà. Mais bon. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais enfin, on voulait quand même narrer les derniers développements de l'Église catholique. Hein. À quand Bergoglio en couverture de têtu? Je lance un appel. Hein, bon. Ou dans une Gay Pride. Il faudrait faire coïncider les JMJ avec une Gay Pride. Ça pourrait être pas mal, ça. À Rome. Oh, il serait pas contre, en plus. Le salaud. Oh, bah on y vient quelques années encore. Hein. Gandalf, je suis désolé de te le dire, mais moi, ouais. J'imagine bien la scène. Moi aussi. Je serais plus choqué, en fait. Mais moi non plus. Non. Bon, avec les papes précédents, ils étaient déjà très, très libéraux, mais là, avec Bergoglio, on a atteint un sommet. Il doit avoir un regret, Bergoglio, c'est de ne pas avoir eu le prix Nobel de la paix, quand même. Petit regret, mais... Il s'est donné du mal, hein. Bah, s'il avait fait l'effort d'être noir, il l'aurait eu, mais bon. C'est, ouais, comme Obama, c'est-à-dire, en fait, le premier prêtre nègre, enfin, le premier pontife nègre, parce que ça va arriver, ça, ils vont nous en coller un, hein, rassurez-vous. Ah, le cardinal Sarah, ils vont bien nous le coller un jour ou un autre, quand même, depuis le temps qu'ils nous en parlent. Le cardinal Sarah, il y a un petit problème au niveau du logiciel, hein, parce que... Voilà, il a un logiciel de droite dure, donc c'est un peu compliqué. Ça va pas le faire, hein. Voilà, c'est... Ouais, droite, ouais. Bah, bien, en fait, il... Hein. Ah, il serait quand même, bon, il est nègre, hein, mais il serait, dans le contexte ambiant au niveau catholique, je parle du catholicisme, là c'est au niveau catholico-catholique, alors il est nègre, hein, alors, donc au début la presse de gauche dirait ah, génial, super, haha, la suprématie blanche, puis ensuite il commencerait à écouter le mec, Et là, oui, bah sur des questions comme l'homosexualité, ça commencerait quand même un petit peu à... Ah là, il va y avoir un malaise. Hein. Ouais. Mais ils ne sont pas fait chier à virer Benoît XVI pour mettre Sarah à la place. Hein. Voilà, ça, alors... Je peux le garantir. Donc c'est assez trompeur, hein, c'est-à-dire que... Mais bon. Ah. On n'est pas devant, donc on ne sait pas. Alors, messieurs, vas-y, ouais. Non, mais moi, je suis en petit désaccord, par exemple, avec Perrault. Je ne pense pas que... une différence fondamentale entre, par exemple, François et Benoît XVI. Je suis pas certain de ça. Sur les mœurs, si, je pense. Une genre de... Il restait un vernis, une certaine résistance. C'est pas qu'il n'était pas acquis à ces idées-là, mais bon, ça n'avançait pas assez rapidement, tu vois. Ouais, mais comme tu dis, un vernis, voilà, parce que... Moi, ce que je disais, c'est ce que je disais... La fille de Benoît XVI... C'est quelqu'un qui a complètement, de manière doctrinale, il a validé quasiment toutes les saloperies. Il ne le montrait pas en public. C'est celui qui faisait le tampon entre les négociations, vous savez, entre Monseigneur Lefebvre et puis les papes modernistes. Celui qui gérait les négociations et qui était... en fait, il avait son rôle, c'était en gros de saper la fraternité Saint-Pédis. Il a plus ou moins réussi, d'ailleurs. C'est juste qu'en manière d'expression de public et de politique, il était plus discret, mais dans les idées... c'est ce que je disais avant l'émission. C'est en réalité, c'est un peu comme l'Union soviétique après la mort de Staline, en fait. Très très vite, en fait, il y a tous les opportunistes qui ont pris le pas sur le système. Contrairement à ce qu'on a entendu, Staline était un véritable bolchevique. Et il ne serait pas resté 25 ans au pouvoir, plus 25 ans au pouvoir, en fait l'Union soviétique se serait écroulée bien avant. Il y avait tellement d'opportunistes de toute nature, etc., que le système soviétique, le système communiste n'aurait pas tenu. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, au plan idéologique, au plan du dogme, parce que le pape est normalement le gardien du dogme et de l'enseignement sur la morale, les mœurs, en fait... Après Vatican II, il y a une capitulation totale sur le dogme. Et au fond, c'est ce qu'ils ont exprimé, c'est ce qu'a exprimé Jean-Paul II. Et Ratzinger était le bras droit de Jean-Paul II, donc il a ratifié de la même façon, donc, comme tu l'as très bien expliqué. C'est-à-dire que tout de suite après Vatican II, il y a Lefebvre qui dit « Attendez, là, moi j'ai un problème au niveau du dogme, votre truc là, ça n'a plus rien à voir avec le catholicisme. » tel qu'on l'a toujours enseigné. Donc là, nous avons un problème. Ça, c'est Lefebvre, fin des années 60, début des années 70. Quoi. Et il prend son initiative, il crée sa fraternité Saint-Pédis, justement, pour se démarquer de ce courant général. Et Ratzinger, les autres, essayent de le mater, etc. Bien. Donc sur le dogme, il a tout balancé. Mais sur les mœurs, Jean-Paul II, comme Ratzinger, était resté très ferme. C'est-à-dire qu'ils ont vu le dogme comme une façon, comme un exercice diplomatique. Là, on a vraiment affaire à des apparatchiks, quoi. C'est-à-dire que les mecs font un exercice diplomatique, ils disent, voilà, il faut donner des signaux, on perd des gens, on perd de l'influence, on est attaqué constamment. Allez, il faut tendre la main, il faut donner un signal d'ouverture, une espèce de glasnost, comme en Union soviétique sous Gorbatchev, où voilà, on dit, voilà, on compose, on réforme. Nous sommes des réformistes, nous allons mettre en place un catholicisme réformé. Mais à côté de ça, en interne, grâce à l'enseignement moral, ils pensaient pouvoir conserver un certain équilibre en disant, voilà, bon les gars, les capotes, hors de question. Le mariage, le divorce, les divorces, on oublie. Mariage unique, etc., etc. Enfin, tout l'enseignement sur les mœurs, voilà. Et ils ont fait une dichotomie comme ça. Donc le dogme, on bazarde, donc on fait du relativisme culturel, on embrasse toutes les religions, on aime les juifs, on ne convertit plus personne parce que c'est une agression, etc. Mais en interne, les mœurs, on touche pas. Et Ratzinger était resté sur cette ligne, en fait, de déconnexion entre l'extérieur et l'intérieur, entre le dogme. Le dogme est censé s'appliquer aussi, bien sûr, aux catholiques en intérieur, mais l'idée était de dire, vous voyez, on n'est pas si fermé que ça. C'était ça le message qu'ils envoyaient. Et en fait, ils se sont fait attaquer. Jean-Paul II a été systématiquement attaqué sur la question du préservatif en rapport au sida en Afrique. Et Jean-Paul II, qui n'était pas con, quand même, il était quand même pape, savait bien que la natalité africaine était le point fort d'une église catholique qui, par ailleurs, était en train de partir à volo partout dans tous les autres continents. Donc, il n'allait pas scier la branche sur laquelle il était assis en disant « je vais enseigner aux nègres à arrêter de faire des gosses ». Surtout que les musulmans, eux, en font des tonnes en Afrique. Mais pendant très longtemps, Jean-Paul II a été attaqué là-dessus. Vous voyez, le sida capote, sida capote. Et c'était le lobby des fiottes qui attaquait Jean-Paul II. Moi, je me rappelle du temps du sida action et le pape et était très dans la merde. C'était un truc de fou. Ratzinger est resté sur cette ligne-là. Il s'est fait putcher en 2013 par la clique à Bergoglio avec l'aide de la banque. Ils ont mis le siège financier au Vatican. On l'a coupé du système bancaire international. Bon, alors, Vatican sans pognon, c'est fini. Hein. Ça reste un État, hein. Ça fonctionne comme tous les autres États, hein. C'est pareil. Surtout qu'ils font du travail, enfin, je veux dire, le Vatican, ils sont bien gentils, mais bon, hein, ils blanchissent du pognon, hein, tu vois, voilà. Donc, les types, ils ont mis l'autre machin là, d'Argentine, là, l'Argentin rouge, sur le trône. Alors l'autre, il arrive, il se présente, le jour de son intronisation, là, il se présente comme l'évêque de Rome, pas comme le pape. Alors, bon, déjà le type voulait même pas être pape, enfin, c'était fausse humilité, bien sûr, bref. Et là, le gars, il a lessivé le dernier truc qui restait, c'est-à-dire l'enseignement moral, et il est allé très très vite. Et on y est, maintenant on met les pieds là-dedans. Il s'est rabiboché avec l'international socialiste, donc la gauche... mondiale, enfin la gauche occidentale, la finance, c'est évident, l'agenda de Soros sur l'immigration de masse, il est à fond pour les raisons qu'on a souvent exposées dans l'émission, et maintenant il se reconnecte, ou il se connecte, avec un réseau très puissant mondialement, qui est le réseau des fiottes internationales, parce qu'ils sont quand même les premiers consommateurs. D'ailleurs, ça fait le lien avec l'immigration, on a décrit ça dans l'émission, hein, et comment ils font venir des migrants en Europe, en se payant sur la bête. Tous les curés que vous voyez aider les nègres et les bougnoules à venir, ils se payent sur ces mecs-là, hein. Ils les enculent ou ils se font enculer. Hein. Généralement, ils se font enculer, d'ailleurs. Donc maintenant, on a franchi un nouveau cap, mais c'est la liquidation de l'Église catholique, mais pas de l'appareil. L'appareil continue d'exister, il y a toujours des gens dessus, il y a toujours des connexions politiques, sauf que tout ce que vous voyez avec une soutane est plus ou moins un fonctionnaire de l'international LGBT. C'est le grand changement. Alors, messieurs, on est obligé de reparler un petit peu, non pas de Samuel Paty et puis de l'incident lui-même. Je classe ça dans la partie incident, bien sûr. Mais des retombées qui sont quand même assez considérables, avec des implications, je pense, sur la longue durée. Dans une continuité, ceci dit, hein, dans une continuité. Alors, petite anecdote, je vous donne ça comme ça, hein, voilà, en vrac, vous commentez ou pas, selon ce que vous en dites, mais c'est des choses que nos auditeurs doivent quand même savoir. Alors, voici ce que nous dit Romain Pigeonnel. Vous allez me dire, c'est qui cet oiseau-là ? Eh bien, c'est le directeur de la stratégie et des relations extérieures à l'Institut du Monde Arabe, qui est dirigé par M. Jack Lang. Donc, quelqu'un qu'on ne présente plus. Alors sur Facebook, voici ce qu'il nous dit. Le 7 novembre dernier, donc ça c'était il y a à peu près un an, quoi. Samuel Paty était venu à l'Institut du Monde Arabe pour suivre une formation à la suite de laquelle un concert de musique arabo-andalouse du Maghreb avait été organisé dans son collège pour ses élèves à sa demande. Toute l'équipe de l'Institut du Monde Arabe tient à lui rendre hommage et à renouveler son soutien au corps enseignant. Donc, vous savez, on avait insisté sur le type d'enseignement que véhiculait Paty à l'école. Donc, on avait dit antiraciste, mondialiste, etc. Mais non seulement ça, mais c'était un antiraciste virulent qui promouvait la culture, entre guillemets, hein, arabo-orientale ou maghrébine, dans son établissement scolaire, au point d'aller faire des heures sup en allant prendre des stages, suivre des stages, faisant venir organisant des concerts. C'est-à-dire que le type était un amoureux des bougnoules, au point de faire du zèle. Au point de faire du zèle. Est-ce que vous voulez une petite réaction là-dessus, sur ce, Je sais pas. Parce que moi, j'ai un peu, je vous l'avoue, hein, j'ai un peu de mal avec les consoeurs de louanges à droite à propos du client. Là. Bah, amour à sens unique. Hein. Donc, moi, je suis pour que le type est mort en question, l'assaillant est mort. Mais est-ce qu'on peut pas classer ça dans la catégorie crime passionnel, pour le coup? Je signe. Non, mais c'est une bonne leçon hein, pour nos amis gauchistes de tout poil. Vous voyez, votre xénophilie, votre antiracisme, votre collaboration, bah, ça vous protège pas, en fait. Hein. Mais absolument pas. Ils sont convaincus du contraire. Lui-même était convaincu du contraire, parce que je présume que s'il a organisé un concert de musique arabo-andalouse, c'était pour briser la glace. Hein, c'était un peu ça l'idée, quoi. Hein. Et puis, bah, ça s'est pas tout à fait produit comme il le pensait. Alors, messieurs, avez-vous suivi, toujours dans la catégorie retombée, hein, nous avons vu des féministes qui se sont mis dans l'idée, notamment une certaine Marguerite Stern, hein, qui n'est pas totalement inconnue de nos auditeurs et de nos lecteurs, qui est une féministe parisienne accessoirement d'origine juive, totalement cinglée, il faut bien le dire, mais elle et d'autres se sont mises en tête d'afficher des caricatures du prophète, notamment du prophète de l'islam, et notamment une caricature de Charb qui montre un cul d'homme hein, avec la phrase suivante à côté: et le cul de Mahomet s'est permis point d'interrogation. C'est-à-dire c'était une blague, c'est-à-dire sur la représentation autorisée licite ou illicite en islam du prophète. Alors normalement on peut pas représenter le prophète, et Charb se moquait de ça en disant, ben voilà, je ne monte pas la tête du prophète, mais je monte son cul. Alors, est-ce que c'est légal en islam? Vous voyez? Bon, la réponse est venue avec les frères Kouachi, hein, non, c'est bien illégal en islam, on ne peut pas montrer le cul du prophète. Et les féministes ont entrepris de coller des affiches, mais absolument partout, mais partout, ce n'est pas une ou deux, hein. C'est de tapisser des abribus complets, des murs entiers. On a trouvé ça à Bruxelles, on a trouvé ça à Paris, on a trouvé ça à Toulouse. Alors, j'ai deux, trois petits trucs à dire sur Toulouse, c'était très rigolo. Mais, elles ont fait ça un peu partout. Et alors, nous avons eu des réactions de jeunes musulmans qui ont découvert ces caricatures en France, et elles ont été filmées. Alors, je vais faire écouter quelques extraits à nos auditeurs pour qu'ils prennent un petit peu la température, et ensuite on se retrouve et on en parle. Oh là là là là là là là là, y'a rien là. C'est les gens là-bas comme ça, là. Eux, faut qu'ils pourrissent en enfer, eux. C'est sûr. Voilà. Bande d'imbéciles, ouais, va. Regardez ce qu'ils ont écrit, là. Tout le monde décolle, carrément. Voilà, tout le monde décolle. Regardez ce qu'ils ont écrit. Ça montre œil. Voilà, ça montre œil. Encore un. Voilà. Pétez par terre, c'est la race, là. Oh là là là là. Alors, messieurs, est-ce que, d'après vous, après ce discours... Vous avez vu, je sais pas, moi, j'ai pas suivi, j'ai vu juste les images, mais... Le discours de très solennel à la Sorbonne de Macron, là, les symboles et tout quoi. Le message n'est pas passé chez nos compatriotes musulmans. Qu'est-ce que vous voulez me dire de ces affichages qui ne rencontrent pas le succès escompté avec une jeunesse française qui ne comprend pas hein, pourquoi on insulte son prophète. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Moi j'ai deux trucs à dire en fait. Le premier c'est que c'est bien, cette histoire au moins a fait bouger un peu de ligne, parce que du point de vue purement politique, je parle de parti politique officiel, il se passe rien. Il se passe rien du tout, même l'opposition, entre guillemets. C'est-à-dire il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, Marine Le Pen, elle veut toujours assimiler des millions de musulmans sans qu'il y ait trop d'islam. Mélenchon, il fait toujours son refrain, il a le cul entre deux chaises. Emmanuel Macron, bah, lui, il est pour la tolérance, l'ouverture. Mais il veut pas de violence. Enfin, pour le coup, les Bougnoul, ils adhèrent pas au projet, donc faut qu'ils choisissent. Et je pense que ça va rien changer. De toute façon, les lignes politiques officielles des partis en place vont pas changer. Même s'il y a un nouveau 2-3 décapitations supplémentaires d'ici les présidentielles, ça va rien changer. Ils sont toujours sur le... C'est un peu bouché, quoi. Mais par contre, le deuxième point, c'est que les forces, on va dire les mouvements sociaux, eux, par contre, ça bouge, ça s'affine un peu, quoi. Par exemple, le clan des boomers, excusez-moi, sont en train de s'apercevoir qu'en fait, les bougnoules musulmans sont effectivement des musulmans. Voilà. Mais ça, ils sont en train de faire les connexions dans leur cerveau et ça leur pose des problèmes parce que forcément, le boomer moyen, lui, il veut jouir de la vie et forcément, c'est un peu incompatible avec un islam un peu radical, quoi. Et en plus, donc là, on vient de voir aussi les féministo-LGBT, je ne sais pas trop, on va dire ça, un groupe comme ça d'hystériques, eux sont en train de s'apercevoir que les musulmans homophobes sont effectivement homophobes. Voilà. Et donc, il y a des groupes comme ça qui sont en train de s'affronter sur le terrain, de manière très concrète, et peut-être que ça va faire des étincelles. Voilà. En tout cas, moi, je ne vous cache pas que j'ai une petite boîte de pop-corn à côté de moi et je regarde ce beau spectacle. Je partage totalement ce que tu viens de dire. Qui d'autre sur ces affichages sauvages, suivis d'arrachages sauvages de la part de Français scandalisés qu'on insulte leur prophète ? Est-ce que Derrick ou Poro ? Ouais, Derrick, vas-y. Ouais, Enfin, pour moi, ça relève de la folie. Hein. Des nanas qui vont... en plus, ouais, on va foutre des culs de Maui partout, quoi. À Montreuil, hein, Stern, c'est à Montreuil qu'il a foutu ça. Montreuil, c'est quand même très nègre, surtout, hein, je crois. C'est quand même très nègre, ouais. C'est ça qui les sauve, je pense. C'est une ville malienne, quoi. Ouais, donc, ouais, enfin, ça la sauve, tu sais, Boko Haram n'est jamais loin. Hein, oui. Enfin, monsieur Koulibaly, hein. Oui! Ah oui, il hein, n'y a pas de Koulibaly de l'hypercaché, hein. Bah oui. Oh, allez, donnez 30 ans, il sera sur un timbre de la République française, celui-là. Ah oui, bah oui. Enfin oui, la République. Oui, bah la République française, effectivement. Oui. Peut-être ça s'appellera toujours comme ça, d'ailleurs. La République française qui se cherche des valeurs aura enfin trouvé qui lui convienne. Mais oui, bah donc, pour moi, c'est de la folie, puisque c'est aller chercher la mort, quoi. Clairement, quoi. Bon, après, ces gens-là cherchent la mort tout le temps. Hein. Ils veulent faire venir. N'est-ce pas toi qui m'avais dit que, quelque part, c'était le pendant des attentats suicides, en fait, des islamistes? Ah oui, on en parlait cette semaine, effectivement. Mais ça, c'était plus pour les profs. Hein, mais, le martyr, hein. Mourir en martyr. Ils cherchent le martyr. Bon, là, je pense que c'est une folle. Mais oui, le prof en question, là... Et même tous les profs là, qui veulent montrer des caricatures de Mahomet à des bougnoules assoiffés de sang, oui, il y a quelque chose de recherche du martyr. Quoi. Puis même là, le Paty, Samuel Paty, c'est le martyr de la République. Donc, ah oui, lui, il est carrément. Voilà. Il y a même des gens qui disent qu'il faut le faire entrer en Panthéon, je crois. Oui, ben voilà, bien sûr, tout à fait, pourquoi pas, avec les autres ordures cachères, ça ira très bien. Mais, ouais, le culte du martyr, il y a le martyr. C'est le Hamas, tu vois, c'est le Hamas, la République française. on a notre martyr, il est mort pour les caricatures de la République, enfin bon, pour le vivre. Il y a une différence fondamentale, hein. C'est-à-dire qu'il y a les martyrs. Les martyrs musulmans, ils meurent en tant que sadiques. Hein. Oui, c'est en infligeant la souffrance. C'est fondamental, monsieur. Finalement, c'est. À la finalité, ouais. La même. Mais j'inflige des souffrances à l'ennemi. Donc, ça, c'est le martyr musulman. Le martyr républicain, lui, il meurt, tu vois, mais en prenant la violence du bougnoule dans la gueule. Mais il est content, tu vois. Il a réalisé sa mission sur Terre, c'est-à-dire servir de serpillère à la chiasse du tiers-monde. Voilà. C'est connexe, ça se retrouve, tu vois. Mais il y a un sentiment d'accomplissement chez ces gens-là, oui, je te rejoins. Et donc, il y a des radicaux qui veulent tomber sous les coups de couteau de nos compatriotes de confession musulmane, hein, voilà, et ils vont carrément se mettre devant eux, en disant, mais regardez la caricature, qu'est-ce que vous attendez? Coup de couteau. Oui, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le terme martyr, parce que dans le martyr, il y a une volonté quand même de sacrifice. Là, je pense que ces gens, ils font la même erreur que Samuel Paty, ils se disent, bon, au pire, si ça tourne mal, on aura une joute verbale, hein, parce qu'on est en phase de champ civilisé. Alors, je crois pas, parce qu'en fait, comprendre que... dans les écoles, chez quelques profs un peu autistes, c'est possible. Mais là, à Toulouse, il y a une opération de ce genre qui s'est mal tournée, puisque la police municipale a dû intervenir pour arrêter les féministes. Ils ont été obligés de... Parce qu'en fait, Toulouse, quoi. Bon, normalement, c'est une ville islamique, quoi. Et juive aussi, quoi. Alors, bon... Mais c'est une ville occupée. Mais tout ça pour vous dire un truc, ils ont été obligés d'intervenir, et dans les déclarations qu'elles ont faites à la presse régionale, elles ont expliqué qu'elles n'étaient pas là, donc lors de leur opération en pleine nuit, pour faire une conférence de presse, parce que ça pouvait quand même être dangereux. Donc elles avaient quand même conscience que l'opération n'était pas du tout une opération anodine, et qu'il n'y avait pas d'implication. Elles avaient vraiment conscience que Toulouse est une ville islamique peuplée de bougnoules, et que coller des affiches du prophète, ça pouvait se terminer dans le sang. Et elle disait pas ça quand même, elle disait oh, ça va finir dans le sang, elle disait, ça pouvait quand même mal se terminer, on va pas rester là, quoi. Parce qu'il y avait plus ou moins, je crois, un journaliste ou quelqu'un qui voulait les interroger, elle disait, non, mais là, on peut pas rester ici, il faut qu'on se tire, quoi. Et là, les flics sont arrivés, donc la police en charge de la protection de la charia donc à Toulouse, qui a dit « Attendez, vous faites quoi ici, vous insultez le prophète ?» Elles les ont arrêtées, et elles ont été foutues en garde à vue, voilà. Et ce qui était marrant, en termes de schizophrénie, puisque ça se passait quelques jours après l'exécution du prof. C'était genre 3 jours après, où il y avait Macron quand on faisait des caisses, enfin, tout le monde était là, enfin, à Paris, là-bas... plan gouvernemental, dans les grands médias parisiens, voilà, dans l'entre-soi, si vous voulez, ils étaient tous là, unanimes, la République et tout, alors que sur le terrain, à Toulouse, la police municipale était en train de traquer des gonzesses qui avaient foutu des caricatures du prophète, parce que c'était à deux doigts de déclencher des émeutes djihadistes en plein Toulouse, quoi. Et là... Attends, je trouve ça normal, maintenant qu'on est dans une République officiellement, enfin... Ah non, elle est pas... on va dire islamique, et c'est ça, on fait appliquer la charia. Voilà. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'officieusement, elle est déjà totalement bougnoulisée dans des tas de villes. Mais officiellement, elle ne l'est pas. Donc, Boomerland, qui vote Macron, et auquel on refile comment, les archives de l'INA, et auquel on propose de regarder des vidéos de Funès sur Facebook, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que... on est dans autre chose, si vous voulez. Ils n'ont pas compris le truc. Donc Macron, il dit les valeurs de la République, etc. Mais en réalité, c'est déjà totalement niqué dans des tas de villes. C'est déjà totalement foutu. C'est totalement foutu. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ces incidents, parce que ça le démontre par l'absurde. Quand vous allumez BFM TV, vous avez le truc, vous entendez vos trucs. Les valeurs là, vous avez l'impression vraiment qu'il y a un consensus, quoi, que c'est 95% de la population soutient totalement la diffusion des caricatures, etc. Enfin, vraiment, qu'il n'y a aucune espèce de doute. Quand vous vous intéressez à ce qui se passe dans les villes françaises, c'est pas du tout la même chose. Et je trouvais ça très frappant, parce que ça a été filmé. Ces opérations qui ont été filmées, on a bien vu la réaction de la population environnante, hein, donc des Français, hein, ils ont tous des papiers français, hein, ils ont tous des passeports, des cartes d'identité, tous ces types-là, les mecs crisent. Et j'ai regardé le nombre de vues, parce que les mecs pourraient dire, ouais, ils ont arraché des affiches du prophète, machin, ouais, ça a fait 20 000 vues sur Twitter. Pas du tout. Ça fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. C'est-à-dire que les bicots de banlieue se rebalancent les vidéos dans tous les sens. Je peux vous dire, moi je vous le dis tout de suite, la République laïque, une et indivisible, sociale, machin, tout le préambule de la Constitution, c'est niqué, c'est fini. Les boomers ne sont pas au courant de tout ça. Et ils vont revoter Macron comme un seul homme dans 2 ans. Les boomers sont dans une stratégie à court terme. Parce que leur vie maintenant est à court terme. Donc ils veulent juste reporter encore un peu plus le problème. Voilà. C'est vrai. Retraite. Alors un autre exemple, hein, juste pour alimenter la discussion. France 3. France 3, ça se passe à Amiens. Alors voici l'article. Un Amiénois condamné pour apologie du terrorisme après ses propos sur l'assassinat de Samuel Paty. Le verdict est tombé vendredi 23 octobre, en début de soirée. Un Amiénois de 43 ans est condamné dans le tribunal correctionnel d'Amiens à 8 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Détenu à la maison d'arrêt d'Amiens pour outrage, c'est lors d'une formation sur le tri sélectif et l'environnement, donc le type suit une formation, avec 4 autres co-détenus que l'homme tient des propos qualifiés d'outrageants. Au détour d'une conversation sur l'actualité le 19 octobre dernier, le détenu réagit violemment au sujet de l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty, survenu 3 jours plus tôt à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. C'est bien fait pour lui! Donc, le terroriste a bien fait le boulot. On ne touche pas à ma religion, à mon prophète, a déclaré donc l'intéressé. Choqué, la formatrice met fin au cours et le fait sortir. À l'audience, le prévenu avoue avoir tenu ses propos, puis les a regrettés immédiatement. Alors, écoutez ce que dit le type. Sans l'accent, je fais. J'ai réagi bêtement. Je pensais que le professeur s'était moqué des élèves et qu'il avait demandé de faire des caricatures du prophète Mahomet. Connu pour être très pratiquant, il a également déclaré qu'il était contre le terrorisme. Le Coran interdit de tuer. Alors c'est là que ça devient marrant. Donc le Coran interdit de tuer. Si j'étais à l'extérieur, j'aurais manifesté contre ce qui arrivait. J'ai regretté parce que l'information que j'avais eue était fausse, a-t-il ajouté. Putain, les bouillous. Des regrets qui n'ont pas convaincu le juge, estimant que le prévenu avait un comportement toujours limite et qui devient inacceptable. Alors, donc ça devient inacceptable. On approche des limites. L'homme a déjà été condamné par le passé pour des comportements déplacés envers des femmes. Alors écoutez ça, il a également été relaxé pour apologie du terrorisme après avoir déclaré... Alors donc il n'a pas été condamné pour ça, il avait été poursuivi mais pas condamné. Pour avoir déclaré qu'il y avait trop de blancs en France et qu'il faudrait plus d'attentats. Alors attention, l'affaire ne va pas en rester là. Ses avocats comptent faire appel de la décision et notamment saisir le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité. Ce dossier est absolument scandaleux. Car on est dans un contexte délétère, dans un contexte tendu, où les libertés sont restreintes, et donc je considère que dans ce dossier, la justice s'est complètement emballée, confie maître Jamila Beria, avocate du prévenu. Notre client a dit des mots dans le cadre d'une formation en prison, dont un lui a échappé, il ne devrait même pas être là, il a des problèmes psychiatriques, et donc forcément, il ne comprend pas tout. De notre point de vue, les faits d'apologie publique et directe du terrorisme ne sont pas constitués parce que les allégations proférées de manière impulsive ont été en présence de 5 personnes. Il ne peut pas y avoir publicité en présence de 5 personnes, estime maître Stéphane Engele, le second avocat du prévenu. Je trouve ça extraordinaire. Alors, monsieur Bouilloul, qui trouve qu'il y a trop de blancs en France et qu'il aimerait voir réduire leur nombre à coups d'attentats terroristes, est quand même défendu par 2 avocats, s'il vous plaît. Hein. Alors, il a été relaxé pour ça. Il a été relaxé pour avoir dit qu'il y avait trop de blancs en France et qu'il faudrait les buter à coups d'attentats terroristes. Ouais. Donc c'est. Alors, on cherche les valeurs par de contre, la République. Par contre, on a une idée, là, tu vois. Les propos sur les femmes, par contre, c'est pas passé. Bah non, forcément les juges, quoi. Mais si vous vous posez des questions de savoir quelles sont les valeurs de la République, on peut appeler à tuer les blancs, hein, à coup d'attentat, ça va. Mais, on appelle ça un génocide. Hein, mais bon, en plus, pas de la façon la plus... clinique, oui. Hein, voilà, c'est pas fait petit à petit, quoi. C'est, on va tout faire sauter pour éliminer les blancs. En France, oui, hein, il faut quand même le végéta, ouais, végéta. Non, c'est merveilleux. Ces gens sont merveilleux. Et il a été condamné. Oui. Je pense que si. Ah non, on va saisir monsieur Fabius au Conseil constitutionnel pour défendre le droit comme du prévenu. Alors soyons sérieux, enfin, c'est un Français qui a droit là aussi, qui a des droits. Rendez-vous compte le pognon que ça peut coûter, enfin, la mobilisation de tout un État quoi, Pour arbitrer ce genre de truc, non mais c'est vrai que c'est... Ouais, pour arbitrer des bougnoules qui... Des bougnoules fous, bon, c'est un peu... En reconversion de tri sélectif. En reconversion de tri sélectif. Tiens, il faudrait s'y mettre au tri sélectif aussi, peut-être. Je veux dire... Hein? Mais c'est avec ça que les boomers comptent financer leur retraite. Bonne chance, hein, ça va être sympa. Quelqu'un d'autre sur Végétal hein, qui apprend le tri sélectif? Non? Eh bien, je me félicite que la France soit un état de droit et que voilà que des bougnoules puissent défendre leur cas face au Conseil constitutionnel pendant que moi, dès que je dis un mot de travers, je me fais censurer, attire les rigots sur les réseaux sociaux sans même un procès. Voilà. Merci, oui. Vive la France, vive la liberté et vive les valeurs de la République. Alors oui, tu as raison, Poro, il faut saluer quand même, c'est vrai que la justice, la liberté d'expression, ce monsieur peut dire qu'il y a trop de blancs en France et qu'il faut les tuer à coup d'attentat, il n'y a pas de problème. Donc bon, moi ceux qui disent qu'en France, il n'y a pas de liberté d'expression et qu'il y a des lois liberticides, je ne comprends pas. Hein, voilà. Ça dépend pour qui, en fait. Hein. Enfin, là, avec cet épisode-là, on ressent bien quand même l'effet du racisme systémique. Là, oui. Ah, on est gangréné par le racisme, hein, c'est terrible. Hein. En pleine tête, là. Même moi, je me remets en question, vous voyez. Ah, je me sens coupable. Hein, moi aussi. Ah, ouais, privilèges. Beaucoup de chagrin. Alors, messieurs, permettez-moi d'enchaîner toujours sur le thème donc, des réactions de nos compatriotes de confession musulmane à cette agression qualifiée, quand même. Hein, on parle quand même de quelques dessins sur le prophète, c'est quand même pas rien. Alors, le maire de Bron, hein, près de Lyon, hein, LR, menacé de décapitation. Alors, hein, c'est un message, c'est un avertissement. Hein. Tagué en grandes lettres, voilà. Alors, le maire en question, hein, on va te décapiter. Voilà, ça c'est le premier message qui a été passé après hein, l'exécution du prof. Et peu de temps après, hein, le maire du 8e arrondissement de Lyon également a reçu un message du même ordre, tagué de la même façon, le bâtiment public. On va te décapiter la tête. Les Lyonnais hein, de confession musulmane s'expriment. Ils utilisent, pour le coup, ils utilisent le français qu'on leur a appris à l'école, c'est avec des profs de gauche, et ils le mettent en application. Tout ça, c'est plein de poésie. Hein. Alors, on va te décapiter la tête. Les élus de la République, finalement, à force de faire venir des bougnoules, commencent à se manger les trucs directement dans la gueule. Un petit commentaire, pas spécialement. Une ambiance révolutionnaire, hein, ça. Oui, c'est très sans culotte, hein. C'est très sans culotte. Oui, ils se coupaient tous les têtes entre eux, c'était sympa. le maire républicain, non, c'est... En plus, oui, il est du parti Les Républicains, je crois, le maire. C'est sympa, quoi. C'est peut-être une nouvelle tentative d'intégration par la décapitation, je ne sais pas. Un concept intéressant. Il y a une montée en tension, hein, clairement. Oui, je crois qu'on peut. Oui. C'est vraiment pas mal. Il y a un côté, guerre d'Algérie un peu, non? Ben, il y a un côté guerre d'Algérie. Puis on parlait de l'armée tout à l'heure, mais un peu le dire, mais l'armée française, d'ici quelques années, on pourra comparer. Ça sera le GIA. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'au moins durant la guerre d'Algérie, l'armée française était française. Oui. C'était une caractéristique au moins qu'elle avait pour elle. C'est un peu moins clair aujourd'hui. C'est un peu moins clair. C'est le cas de le dire, moins clair. Dire des Algériens en voulant qu'ils soient français, bon, ils sont pas français. Ils sont restés du FLN, hein, bien entendu, mais un Algérien reste pas longtemps comme ça. Ils sont pas bien, tu vois. Donc, du FLN, il va au GIA. C'est de suite plus rigolo. Ouais, c'était une grande idée, ça, de faire venir les Algériens alors qu'ils venaient de nous virer de chez eux. C'était vraiment... Qui est-ce qui a eu l'idée, d'ailleurs? Je sais plus. Qui c'est qui a eu cette idée-là? Il y a eu plein de gens qui ont eu cette idée-là. Hein. Des gens de gauche, non? Des gens de gauche, il y a des Monsieur Bloch, par exemple, Monsieur Bouygues. Oui. Oui, puis il faut pas oublier, puisqu'on parle de la guerre d'Algérie. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que le déclenchement de la guerre d'Algérie, parce que... Nos auditeurs sont pas forcément familiers de ça. prof égorgé. Hein. Oui, alors les gens doivent savoir ça, c'est que l'Algérie, en 1954, quand démarrent les hostilités ouvertes, l'Algérie, c'est 3 départements français. Et les gens ne sont peut-être pas au courant de ça. Donc c'est des départements, c'est le territoire français, c'est pas du tout une colonie machin classique, classique comme on l'entend. C'est vraiment le territoire français, je veux dire comme la Corse, comme la Normandie, enfin je veux dire la Haute-Saône ou ce que vous voulez quoi. C'est organisé de la même façon. Donc l'organisation territoriale administrative est totalement différente des colonies traditionnelles. Et là, il y a vraiment une présence française. Il y a des Français qui vivent sur place, des Européens, comme on les appelle, mais il y a beaucoup de Français. Il y a des routes nationales. Enfin, c'est vraiment organisé de la même façon. Et les hostilités commencent quand le mouvement indépendantiste algérien décide d'utiliser la force. Et ils vont cibler. C'est très très intéressant. Ils vont cibler certains, alors bien sûr des bâtiments militaires, mais ils vont cibler des populations civiles d'une manière d'ailleurs typiquement algérienne. Ça va être sale, très très très très très sale dans la méthodologie employée. Hein. Donc, par exemple, on coupe les seins des femmes, ouais, des trucs vraiment vraiment vraiment sales hein, que l'Algérien aime, apprécie particulièrement parce que l'Algérien est un esthète dans son genre. Hein. Il goûte le spectacle de la mort d'une certaine façon. Hein. Donner la mort pour donner la mort, ça ne suffit pas. Il faut quand même que ce soit un petit peu divertissant. Quand même, hein. Donc il a ça en lui, le goût du couteau. Et les hostilités vont commencer avec l'assassinat d'un couple d'instituteurs venus de France. Ils sont âgés de 23 ans pour faire du bénévolat. C'est un no-gauchiste d'aujourd'hui hein, qui vont en Afrique torcher le cul des nègres. Eh ben, c'était pareil. Ils vont dans le bled algérien pour apprendre aux bougnoules à lire et à écrire. Et là, ils sont dans un bus. Ils se font arrêter par des félagas. On l'appelait les félagas. Aujourd'hui, on l'appelait les moudjahides. Hein, moudjahidine. Ou bien djihadistes. Mais c'est bien la même chose. C'est des bougnoules avec des armes qui veulent tuer des blancs. Bon, c'est le même principe. Hein. Et ils les flinguent. Et c'est comme ça que ça commence, quoi. Et ça, il faut garder ça à l'esprit, hein. Les types savent procéder. Ah, de ce côté-là, les Arabes, il ne faut pas les sous-estimer. Ils savent procéder. Je le reconnais, ça. Donc voilà, donc je pense qu'ils... Ça s'appelait la Toussaint Rouge, d'ailleurs. Hein. C'est comme ça que ça a commencé, la Toussaint Rouge. Il y a quelques semaines, on avait eu un chauffeur de bus, enfin, quelques mois maintenant. Oui, lynché à mort, qui avait été lynché à mort aussi par des bougnoules. Et on avait dû le rappeler, mais les ratonnades qu'il y avait eu à Marseille dans les années 70, ça avait commencé par le meurtre d'un chauffeur de bus, hein, pareil. Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'était hier, je crois, samedi, il y a comme ça un type dont on me dit qu'il est en situation irrégulière, il a vu un flic, il est arrivé avec un schlass, un poignard. Il a sauté dessus, le type avait de la chance. Je pense qu'il avait un gilet pare-balles, le flic. Donc, il n'a pas percé. Mais il avait visé le thorax, le type allait le tuer. Hein. Comme ça, de but en blanc. Hein. Donc, type en situation régulière, c'est même pas qui c'est, ni d'où, ni quoi. Il voit un flic, paf, la lame. Voilà. Moi, je vous dis, les gens, il faut qu'ils commencent à cogiter en France. Hein. Quand on disait... Parce que tous les mecs, les anciens qui avaient... les pieds noirs qui avaient quitté l'Algérie, ou les anciens d'Algérie qui avaient été dans les paras... Moi, j'en ai connu des paras de l'Algérie. Donc, les types m'ont expliqué... Bon, là, ceux de nos milieux qui ont tout un peu bourlingué, ils ont toujours plus ou moins croisé le chemin de ce genre de personnes qui débriefent les plus jeunes sur les méthodes des bougnoules, comment ça marche, tout ça. Et là, vous avez un climat, c'est la guerre d'Algérie. Je vous assure, c'est le même climat. Sauf que c'est pire. Parce que durant la guerre d'Algérie, il y avait une France qui était, une France métropolitaine j'entends, mais avec son contingent expédié, une France qui était socialement organisée, grosso modo. Il y avait une subversion communiste, je vous l'accorde. Mais les cadres culturels, les cadres moraux étaient quand même clairement établis. Il y avait même des choses que le Parti communiste n'aurait jamais osé assumer. ils auraient pas osé assumer ça totalement. Ils le faisaient en douce, ils faisaient des trucs, etc. Mais publiquement, c'était beaucoup plus compliqué. Et de toute façon, le ferait-il que la réaction en face aurait été extrêmement forte. Là, aujourd'hui, tous les corps de la société française ont implosé. Hein. Tous, absolument tous. On a parlé de l'armée, j'ai pas besoin d'y revenir. L'école, on en a parlé, pas besoin d'y revenir. Donc, il y a tout à péter. Hein. L'Église catholique, qui était la trame morale du peuple français, je pense que ça vaut, hein, mais bon, c'était quand même assez nettement établi pareil. Il n'y a plus rien de tout ça. Et c'est sur le territoire français aujourd'hui. Les mêmes conditions. Et les bougnoules, eux, savent très bien qui ils sont, savent très bien ce qu'ils veulent, savent très bien comment procéder. Moi, je vous dis, ça appelle réflexion. Hein. Ça appelle réflexion. Et regardez l'attitude de la droite, ses réflexes, etc. Les types sont clairement largués. Ils sont largués. Complètement largués. Hein. Complètement largués. Mais la droite et la gauche sont à l'unisson en ce moment. Oui. Ils ont une solution miracle. La gauche dit de dire qu'il faut élever ces. Éduquer ces jeunes français, n'est-ce pas? Pour en faire des républicains. La droite a une conception radicalement différente, c'est qu'elle veut prendre ces jeunes républicains pour en faire des Français. Voilà, mais c'est pareil, hein, en fait, hein, c'est synonyme. Donc on change juste les mots, on intervertit, et ça donne la même chose. Sauf que, bon, dans un, il va te rajouter un Jésus par-ci par-là, où il va te parler de Louis XVI, tandis que l'autre va te parler de Robespierre. Voilà, bon, c'est pareil, c'est la même chose. Ça ne marche pas. Il n'y a aucune volonté de, pour le coup, de séparatisme. Hein. C'est tout oui, monde, oui, tout à fait. C'est tout, tout, oui, tout, tout ouais, monde ouais. Lutte contre les séparatismes. Ouais, ouais, ouais. De droite à gauche, d'où la loi d'ailleurs de Macron, mais finalement, tout le monde est d'accord, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Il faut sauver le système, il faut sauver le régime, il faut sauver la République. Alors que nous, ici, ce qu'on dit, c'est voilà, tout l'inverse. Il faut un divorce. Il faut un divorce. Ouais, il faut un divorce. Hein. Il faut. C'est assez, quoi. Et ça, je le vois pas. Là, je vois tous ces connards qui se mettent d'accord sur les plateaux télé. C'est absolument insupportable. Ouais, c'est insupportable. Alors, c'est d'autant plus marrant quand les membres des camps en question sont des juifs. C'est-à-dire que quand tu vois sur un plateau de télévision. Gilles William Golnadel qui représente la droite et comment ça s'appelle Julien Drey qui représente Julien la droite. Non, non, mais c'est odieux. C'est absolu. Bon, fondateur de SOS Racisme, s'il vous plaît, quand même. Enfin, c'est une saloperie, une des plus grosses saloperies qui peut exister en France. Et ce type-là vient faire des leçons en mode. Il vient se mettre d'accord avec Golnadel, c'est-à-dire que oui, ben voilà, on va se mettre d'accord, etc., tout va bien. Mon ami Chalgoumi, là, si les musulmans regardent ça, les deux qui traisent des louanges à Chalgoumi, c'est un type qui a... Il est demeuré, hein, c'est un demeuré. Hein. Il est demeuré, on a probablement pris sa famille en otage pour qu'il raconte des trucs sur le... Enfin, le type ouais. À mon avis, sa famille est en Israël. Hein. Bon. Ouais, c'est possible. C'est pas impossible, d'ailleurs. Parce qu'il a dit que sa famille était à l'étranger, je crois. Justement, oui, je pense. Oui. C'est possible que l'étranger soit effectivement Israël. Ouais. Et donc, c'est une farce, quoi. Il n'y a rien qui existe. Moi, je veux souligner un point très important dans ce que tu viens de dire sur le rôle perfide de la juiverie dans toute cette affaire. Qui c'est qui monte au créneau actuellement pour expliquer, sur tous les plateaux de télévision contrôlés par les juifs, pour expliquer ce qu'il faut faire désormais. Donc après cette décapitation, ils disent voilà, il faut prendre conscience. Alors il y a des noms comme ça qui émergent, évidemment Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, il y en a d'autres, hein, Jacques Attali, Georges-Marc Benhamou, je pense que j'ai vu des interventions récemment de Benjamin Stora, Arthur. Tous ces gens ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont nés au Maghreb. en tout cas pour la plupart d'entre eux. Hein. Jacques Attali, Patrick Bruel aussi a réagi, il est né en Algérie. Donc Jacques Attali, Bruel, de son vrai nom Benguigui, Bernard-Henri Lévy, Benjamin Stora, Julien Dredd, tous ces juifs qui ont fui lors de la guerre d'Algérie, sauvés in extremis par l'armée française et la France. In extremis, parce qu'ils allaient tous être massacrés par les Arabes. À la minute où ils ont posé le pied en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoint les partis de gauche, et ils ont changé la politique des partis de gauche pour ouvrir la France à l'immigration de masse. Ce en quoi, d'ailleurs, ils ont rejoint leur congénère Ashkenaz, qui était déjà établi en France. Ce sont les mêmes qui, maintenant, sur les plateaux de télévision, nous expliquent ce qu'ils veulent faire. Les mêmes qui ont fait venir les Arabes en France, non seulement les ont fait venir, mais ont monté des organisations politiques pour exciter la haine des Arabes contre les Français. C'est la fameuse organisation SOS Racisme, des Marek Alter, des Bernard-Henri Lévy et des Kouchner, pour citer qu'eux. Hein. Donc, cette organisation, elle a été montée, mais il y en a eu d'autres. Ces gens-là ont appelé les bougnoules à la haine du blanc constamment pendant 40 ans. Constamment, mais constamment. Maintenant, le truc se rapproche d'eux. On les voit tous, sur tous les plateaux de télévision, en disant, attention, République en danger, et je vois des scènes, moi, qui ne peuvent pas me laisser de marbre, je vois donc cette juiverie algérienne sauvée par la France, qui a passé les 40 dernières années à inciter à la haine raciale contre les Français, les nouveaux venus d'Afrique du Nord, les Juifs oubliant tout ce qui s'était passé. Hein. Complètement. Ils ont tout oublié de ce que voulaient faire les Algériens à leur famille. Hein. Ces mecs-là sont maintenant sur les plateaux télévisés en disant il faut faire ceci, il faut faire ça. Et je vois Julien Dray qui parle à une Charlotte Dornelas, catholique, hein, de droite, qui a d'ailleurs traîné ses guêtres dans le mouvement identitaire, et qui nous vendait la Jeanne d'Arc métisse de Philippe de Villiers. Je la vois acquiescer comme ça, très solennellement, sur le plateau de CNews, au propos de Julien Dray, le fondateur des SOS Racistes. Je ne sais pas où, sur quelle planète on est. Quoi. Et ça passe comme une lettre à la poste. Je vois Eugénie Bastier, du Figaro, propriété du vendeur d'armes Bloc Dassault, famille juive aussi, nous dire que il va falloir faire des Français. Il va falloir faire des Français avec tous ces Arabes. Donc là, si vous voulez, il se passe un truc très très très curieux. Nous avons une droite qui s'est fait cracher dessus par tous ces Juifs pendant une bonne quarantaine d'années, qui soudain ne comprend pas pourquoi a accès à des plateaux de télévision. Tout d'un coup, et regardez avec considération, on ne les coupe plus quand ils prennent la parole. Comme ça. Par contre, il y a une condition qui est posée. Hein. On ne parle pas d'immigration excessivement, et surtout on ne parle pas de race, ne mélangeons pas tout, ne se posons surtout pas la question des responsabilités, ça serait quand même un problème. Focalisons-nous, non même pas sur l'islam, hein, focalisons-nous sur l'islamisme et même, j'allais dire, l'islam radical et violent. Donc, c'est-à-dire 20 000 pelés en France qui ont des velléités de... Voilà. Et avec ça, tout ira bien. Et alors, le grand maître ordonnateur de tout ça, c'est M. Zemmour, qui aussi est d'une famille juive originaire d'Algérie. Alors, moi, je peux pas, si vous voulez, être comme Damien Rieu, quoi... faire comme s'il ne se passait rien, ouais, et pas voir qui faisait quoi. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc, non. Voilà. Non. Les Juifs doivent rendre des comptes. D'accord ? Il n'y aurait pas la situation que nous vivons aujourd'hui en France s'il n'y avait pas eu les Juifs en France. Ça n'aurait pas existé dans ces proportions-là, de cette façon-là, avec ces mécanismes-là, nous n'aurions pas vu ça. Nous n'aurions pas vu ça. Il y aurait eu de l'immigration, probablement. Mais pas la même, pas sur les mêmes circonstances, pas avec la même mécanique idéologique, pas avec les mêmes médias, pas avec les mêmes campagnes, pas avec les mêmes insultes contre des gens comme Jean-Marie Le Pen, etc. Moi, j'oublie pas, je suis pas comme tous les autres connards, là, hein. J'oublie pas les campagnes de haine contre non seulement Jean-Marie Le Pen, mais tous ceux qui le soutenaient, tous ces militants qui se sont fait casser la gueule, certains sont morts. D'accord ? Faut pas perdre ça de vue, je veux dire. Les Benguigui, donc Patrick Bruel, les Benguigui qui étaient chez Anne Sinclair, donc la juive qui expliquait d'ailleurs qu'elle ne se marierait jamais avec un goy parce que ça la répugnait, qui disait, voilà, le programme du Front National, c'est des nazis, etc. Qu'est-ce que disait le Front National dans les années 80, le programme que vituperait, enfin, sur lequel dégueulait Benguigui, qui aujourd'hui était pleuré sur le cadavre du prof de Conflans. Il disait, que disait le programme du Front National ? On arrête l'immigration, le droit du sang, donc de l'affiliation, etc. Toute une série de mesures qui étaient des mesures de bon sens, etc. C'était ces mecs-là qui incitaient à la haine contre le Front National. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, si les connasses de plateaux de télévision, sous prétexte qu'elles vont à la messe une fois par semaine, acceptent de se faire toucher le cul par des séfarades, c'est leur problème pour nous trahir. Mais il ne faut pas perdre de vue qui a fait quoi. Parce que ces mecs-là n'ont aucune espèce de loyauté. Le juif n'a aucune loyauté, d'accord ? Il n'a pas plus de loyauté maintenant qu'il en avait avant-hier. Je veux dire, ils s'en foutent. Hein. Je veux dire, si jamais les Bougnoul faisaient mine de s'assagir pendant 6 mois, ça, le cinéma reprendrait. D'accord ? Les fascistes, les nazis, ces gens ne changent pas. Donc voilà, je voulais clarifier. J'ai été un peu long, mais je voulais clarifier ça parce que c'est pas clair pour tout le monde. Et voilà, moi, je regarde les plateaux de télévision, je dis que c'est visiblement pas clair pour tout le monde. Alors, pour apaiser la situation là, avec nos amis musulmans, hein, nos compatriotes adorés, j'ai une petite idée de ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Fin de l'été, au milieu de l'été, Macron a commandé à Benjamin Stora une étude pour gérer... ah ouais. Pour la réconciliation entre les peuples français et algériens. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça doit sortir d'ici la fin de l'année. Hein. Donc on va avoir un beau cadeau de Noël dans lequel Macron va humilier les Français. Et voilà, enfin, c'est comme ça que ça marche, hein, la soumission. C'est, avec les Bougnoul, soit tu les soumets, soit tu te soumets. C'est le principe d'égalité ne... Ça n'existe pas, ça les rend fous d'ailleurs, hein, si tu veux en faire des égaux, tu veux en faire des Français. Donc là, on va nous préparer, on va préparer déjà la pommade, les gars, parce que... On va bien dilater. Ah oui, là, Benjamin Stora, si on lui a commandé, c'est qu'il y a déjà tout qui est prêt, bien entendu. Ça fait des dizaines d'années qu'il raconte des saloperies partout, hein, d'être même universitaire, et je crois qu'il est au Collège de France d'ailleurs. Vous imaginez, hein, non mais c'est sales Newpin comme Stora qui se sont fait foutre d'or à coups de pompe dans le cul, qui ont été sauvés in extremis par la France, qui sont en train de tout faire pour exciter les Bougnoul contre les Français aujourd'hui. C'est-à-dire, faut quand même voir à quelle race on a affaire, hein, quand je parle des Juifs. Hein. Faut quand même voir de quelle race. Pour survivre, hein. Ces Juifs vont nous humilier. Voilà, ils vont faire en sorte que Macron aille peut-être baiser les pieds du président algérien, je sais pas, mais ça peut être très marrant. Hein. Et puis Macron avait déjà ouais. Parlé de la colonisation en début de mandat. Hein. Il avait déjà dit oui, c'est horrible, etc. Bon. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu sur C'est dans l'air ? Ça, c'est une émission qui fait vraiment autorité, C'est dans l'air. Vous savez, c'est les plateaux de télévision de gauche qui attirent les cadres supérieurs, vous savez, des grandes villes, vous savez. Ça correspond à une certaine sociologie, quoi, avec Patrick Cohen, vous savez, des mecs comme ça, quoi. Il a fait un éditorial, d'ailleurs, Patrick Cohen, qui a été vraiment très remarqué à gauche. On va d'ailleurs parler un petit peu après de l'attitude de la gauche en général. C'est très, très révélateur. Et alors, ils ont sorti un truc. Alors, c'est mieux que chez Al-Goumi encore. Donc, il y a une femme rabbin qui s'appelle Orvilleur, dont on a souvent parlé. Elle est partout. Ça, c'est génial. Ça, comment les Juifs font leur autopromotion, je trouve ça fascinant. Alors, elle est partout, voilà. Comme si elle était représentative du judaïsme en France, qui est totalement faux. Je veux dire, la dynamique aujourd'hui dans le monde juif, au plan religieux, se situe clairement du côté des orthodoxes. Pour pas parler des ultra-orthodoxes, je veux dire, mais enfin, c'est clairement pas avec des connasses qui prétendent être rabbins ou je sais pas quoi. Ça c'est vraiment des conneries gauchistes, c'est totalement faux. Et le fait que ça ait un écho dans les médias, c'est parfaitement délirant, quoi. C'est-à-dire, c'est voilà, ouais, c'est se ça. Se foutre de notre gueule, c'est comme quand ils mettent Chalgoumi. Ouais. Chalgoumi, c'est se foutre de la gueule des musulmans. Ouais, ouais, ouais. Mais là, là, c'est pareil, quoi. Alors non, il y a mieux, il y a mieux, parce que alors, oui, c'est, oui, Orvilleur était sur le plateau, donc non, de cette émission, mais il y avait une femme imam avec elle. Les deux convenant qu'il était nécessaire de publier donc les caricatures du prophète de l'islam. Deux femmes qui sont défendues par Arié Halimi, qui est également l'avocat de la Ligue des droits de l'homme et qui expliquait ce matin que la programmatique des terroristes était justement de faire en sorte que soient stigmatisés les musulmans pour créer encore plus de radicalisation. Ça, vous le craignez, cet amalgame ? Bien sûr, je le craignais. Et dès le dimanche matin, où on a fait un direct sur France 2 avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, justement, j'ai tout de suite eu cette idée en tête et je me suis dit, la première chose, il faut appeler à la fraternité, à l'unité et ne jamais oublier ça. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre croyance, c'est la fraternité qui nous relie tous, qui nous unit et c'est ce qui nous unit pour vivre ensemble sous cette république. La femme imam, donc, qui dit qu'il est nécessaire pour être musulman de diffuser les caricatures du prophète. Son vrai nom, donc son nom, hein, c'est Kaina Baloul. Alors, je vous livre sa biographie. Elle naît à Paris d'un père algérien kabyle, issu d'une famille maraboutique et d'une mère française athée. Sa grand-mère maternelle était juive polonaise. Au titre de la loi juive, elle est juive. La Baloul est une juive. C'est oui, une juive. Si elle varnisse, elle peut demander, elle est éligible à leur retour. Voilà. Alors donc nous avons une situation en fait où nous avons une femme rabbin et soi-disant une femme imam qui en fait est juive et elles sont sur le plateau donc de l'émission c'est dans l'air là. Je crois que c'est pas si c'est pas non c'est à vous c'était à vous c'est pas c'est dans l'air c'est à vous. L'émission de Cohen là où elles expliquent qu'il est nécessaire vous comprenez là les spiritualités sémitiques s'expriment si vous voulez. Et en fait, non, il n'y a pas de musulmane dans l'affaire, là. Il y a juste deux juifs qui s'expriment. Et je voulais le faire remarquer quand même. Évidemment, on est à l'audio, donc ça ne transparaît pas, mais on peut s'y référer, vous le verrez. La Baloul en question est plus blanche qu'Orvilleur. Ce qui laisse quand même assez songeur quand même sur le passif racial de ces juifs. Derek ? Tu parlais de Chalgoumi qui était une insulte, une humiliation pour les musulmans, ce qui est absolument vrai. Hein. Et le message des juifs est le suivant, hein, c'est-à-dire que, bon, les bougnoules, restez à votre place. D'accord ? On vous a fait venir, vous êtes là, vous devez faire un boulot, d'accord, très bien, essayons de faire ça de manière propre et courtoise, mais si vous sortez de votre position, attention, ça va commencer à chier. Donc c'est vrai qu'il y a la fonction de Chalgoumi, c'est d'humilier les musulmans en prenant un analphabète, qui passe pour un con aux yeux des Gaulois, mais en même temps qui rassure les Gaulois. C'est-à-dire les Gaulois se disent « Ah ouais, c'est ça un musulman, ouais, ça va, ça craint, ça, c'est pas si dangereux en fait. » Et là, il y a Orvilleur. Alors là, ça c'est pour le public féminin. C'est-à-dire que les femmes adorent ça. L'émission en question est une émission pour gonzesses. C'est pour les femmes. C'est dans l'air, c'est à vous, c'est avec Patrick Cohen, je crois que c'est présenté par une gonzesse, il n'y a que des gonzesses qui interviennent. Enfin, ouais. C'est un truc, voilà, c'est fait pour les puputes qui regardent la télévision. Rassurez-vous, mesdames, hein, tout le monde y peut être imam, voilà, n'ayez pas d'idée arrêtée sur l'islam. Regardez cette femme imam. Femme imam, dont la grand-mère vient de la Pologne ashkénaze. Cet islam féministe est très intéressant, vous pourrez vous y intéresser pour vous libérer de votre mari blanc, quoi. Vous oppresse, votre mari pervers narcissique, parce que là, tous les hommes sont des pervers narcissiques. Alors, inutile de dire que quand on a une grand-mère polonaise juive, inutile de dire que l'antinazisme coule dans les veines à l'état naturel. Hein. Bon. Pas nécessaire d'avoir insisté, mais enfin bon. C'est la farce est gigantesque, quoi. Ces juifs n'ont peur de rien. Ah, ils ont peur de rien. Ils ne rougissent pas, c'est vrai, les très blancs. C'est la route spot totale. Hein. Ah, c'est un exercice absolument fabuleux. Quoi. Voilà. C'est comme j'ai montré ça à un public américain, même eux, avec la juiverie qui se coltine. Hein. Ils n'en revenaient pas. Ah non, mais c'est surnaturel. Hein. C'est surnaturel. Ah oui, non, non, non. Alors, du coup, et peut-être c'est la dernière phase de notre discussion, c'est... bon, les juifs incarnent l'axe laïque, hein, vous avez bien compris, quoi, c'est clair. Mais la gauche est fracturée. C'est-à-dire que nous avons la gauche laïque, principalement les boomers, hein, c'est, voilà, et les profs qui s'accrochent à leur truc. Les juifs sont l'âme de cet axe, hein, c'est eux qui, pour des raisons très évidentes, parce que quelle est l'idée derrière tout ça de, l'idée c'est de sauver la gauche libérale, les juifs flattant l'individualisme pour concasser les groupes ethniques, les groupes raciaux, pour pouvoir se mouvoir en leur sein et les exploiter. Hein. Le juif ne se départissant jamais de son propre sentiment communautaire et collectif. Donc le juif veut rester et agir en groupe, comme communauté, tout en cassant le sentiment communautaire et la fierté raciale, la fierté ethnique, la fierté même religieuse des groupes qui d'après lui, sont des groupes concurrents. Donc ça, c'est toute la perversion du juif, c'est le rôle dissolvant du juif, tant vis-à-vis des Français d'ailleurs que vis-à-vis des musulmans. Attention, hein, le juif est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il promeut toute cette espèce de baratin sur l'émancipation de l'individu, des femmes, des trucs. Lui, il veut casser toutes les logiques de groupe, hein, c'est très clair, ou alors se les subordonner. Bien. La gauche est cassée vis-à-vis de ça. Parce que nous avons la gauche radicale qui dit « Attendez, pas si vite. Nous, on ne veut pas diaboliser les musulmans. Nous, on refuse de rentrer dans votre discours sur le séparatisme islamique qui pointe du doigt une partie de la communauté nationale, entre guillemets, etc. » Vous avez vu ça. Si vous suivez Mediapart, si vous suivez Libération, si vous suivez Slate, alors Libération, c'est parce qu'en interne, ils sont très à gauche, mais la direction est juive, hein. Mais à mon avis, il doit y avoir des luttes d'influence assez fortes qui vont s'annoncer. Donc Slate, etc., ça, tout ça, c'est des médias de gauche qui prennent résolument le parti des musulmans. Hein. Idem pour les arts occuptibles. Alors là, c'est une gauche collectiviste beaucoup plus révolutionnaire. Alors, le truc qui est très frappant et ce qui a déclenché la colère, c'est pas l'attentat en lui-même, c'est l'annonce qui a été faite par Darmanin de la dissolution du CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, qui est une organisation qui est liée aux Frères musulmans, ok. Donc, a priori, ça n'avait pas posé de problème. Même s'ils ne sont pas liés à l'attaque, en tout cas, on pouvait les emmerder en disant, voilà. Donc, Edwy Plenel, pour Mediapart, est monté au créneau. Il est proche de Tariq Ramadan et des Frères musulmans du Qatar, etc. Il doit probablement y marger. Il est monté au créneau, il a dit, non, non, c'est scandaleux, etc. Depuis, l'international islamiste s'est mis en mouvement, hein, partout, hein, dans le monde entier. Le Pakistan a commencé à tousser. Le Premier ministre vient de dire que Macron avait intérêt à se calmer, sinon ça se passerait mal. Erdogan a dit carrément que Macron avait besoin de consulter un psychiatre. Tout ça, c'est des réactions à haut niveau. Attention, on ne plaisante pas. Et il y a une véritable résistance qui s'organise dans la gauche radicale contre la dissolution du CCIF, pardonnez-moi. Mediapart défend carrément l'organisation. C'est officiel. Ils disent non, il ne faut pas dissoudre. C'est une organisation qui défend le droit des musulmans qui sont persécutés, qui sont discriminés. Alors, voici juste une info qui vient de tomber, et ça c'est publié par l'Observatoire de l'islamisation à propos du CCIF, juste pour mesurer avec qui est lié Mediapart, la France Insoumise et tous ces mecs-là. Alors, je cite, en décembre 2019, l'antenne du collectif contre l'islamophobie en France, en Gironde, a reçu le frère du Conseil européen de la fatwa, Youssef Ibrahim, en tête d'affiche d'un gala de soutien. Exclu d'une mosquée suisse pour avoir défendu la lapidation plus sa volonté d'instaurer la charia wahhabite. D'accord? Donc ça, c'est les gens avec qui ils sont liés. Alors, ils ont, comment dirais-je, réagi aussi très violemment contre toute une série de personnes, donc Darmanin, bien sûr, Blanquer, qui a dénoncé l'islamo-gauchisme, ça n'a pas du tout passé à gauche. L'échange très musclé entre Pascal Bruckner, qui était un idéologue de gauche totalement mainstream, hein, qui a interrogé Rokhaya Diallo, proche des Frères musulmans, proche du Parti démocrate américain, en lui disant, voilà, vous êtes une femme musulmane, noire, il y a des choses que vous dites que moi je ne pourrais pas dire, et vous avez armé les assassins de Charlie Hebdo en les livrant à la vindicte, etc. Il y a eu une très violente réaction sur Twitter face à ces déclarations, qui sont totalement anodines par ailleurs, et assez vraies, hein, je veux dire, elle a attaqué Charlie Hebdo, et en tant que femme noire et musulmane, Elle a carte blanche pour raconter à peu près n'importe quoi dans les médias. Elle a été retweetée massivement, Diallo, en se victimisant, évidemment. Alors là, je voulais vous poser la question. Et encore, il y a d'autres organisations, hein, la CFDT, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, la CGT, CGT Éducation, la FSU, Union Syndicat Solidaire, Sud Éducation, je vous en passe. Il y a des tas qui ont signé là une tribune en disant qu'il ne fallait pas stigmatiser les musulmans. Enfin, il y a vraiment un bloc énorme d'organisations de gauche qui se retrouvent à l'unisson pour vraiment défendre les islamistes. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette fracture à gauche, de plus en plus nette depuis la décapitation? Bah c'est, oui, le bloc de droite est rejoint par la gauche style Julien Drey, pour le coup, hein, qui défend les trucs laïcards et compagnie, et la gauche, la vraie gauche, on va dire, part en mode, c'est pas Hamas mais presque quoi. Pas loin, mais j'ai vu le Anas Kazib, il passe aux grandes gueules. Je sais pas s'il va passer longtemps en grande gueule d'ailleurs. Il passe aux grandes gueules. C'est un type qui vient de l'extrême gauche, proche de la France insoumise. C'est un trotskiste officiellement, mais bon. Et lui, il fait des lives. Vous pouvez voir. Hein. Donc il est aux grandes gueules. Attention, il est aux grandes gueules. Hein. Il fait des lives avec Marwan Mohamed, qui est l'ancien président du CCIF, qui est un frère musulman et tout. Et le mec, il dit non, pas de solidarité, pas d'union nationale, pas de défense de la République, c'est une république bourgeoise, etc. Il veut pas, il a deux doigts de dire république juive, hein, à deux doigts. Hein. pas de solidarité avec ces mecs-là, etc., qu'ils aillent se faire enculer. Ils foutent la pression sur Mélenchon. Mélenchon a le cul entre deux chaises, il sait plus comment faire. Il sait plus comment faire. Bah, Mélenchon, Mélenchon qui est... un laïcard de base, hein. c'était un gros franc-mac républicain extrémiste. Bien gras. Hein. Qui a cru qu'il allait pouvoir jouer avec les musulmans, les Traoré et compagnie, pour gagner des voix, hein, gagner de l'influence. Il se fait bouffer. Hein. C'est un type qui s'est fait dépasser par sa base. Et ça va être très sale pour lui, hein. Ça va être très très sale. Bah, soit il suit, soit il se fait dévorer. Hein. Tu as noté sa sortie sur les Tchétchènes en début de semaine, enfin, c'était délirant. C'était, mais je vais te dire, c'était même odieux. Ah oui, c'était odieux. Hein. Enfin, comment dirais-je, on sait très bien qu'en... Alors, pour le coup, le tueur était un Tchétchène. Mais on sait très bien que le problème n'est pas un problème tchétchène en France, c'est un problème nord-africain, voire turc, et un peu nègre aussi quand même. Hein. Mais l'islam radical, même si on peut dire voilà, il y a un problème marginal dans la communauté tchétchène, etc., je ne suis pas du tout un apologète de l'immigration tchétchène, mais je veux dire, c'était se cacher derrière son petit doigt. Mais le mec a dit, voilà, on va balancer les Tchétchènes sous le train, comme ça je garde mes copains musulmans et marocains. Et ça, oui, accessoirement, les Tchétchènes ont la bonne idée de venir du Caucase. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reste dans l'Europe. C'est sale blanc. Il y avait un réflexe, là. Bah, bien sûr. Mais il y avait un réflexe, tu vois. Mais il y avait un réflexe de juif séfarade. Il y avait un réflexe de juif séfarade. C'est ce qu'il est. Hein. C'est encore un qui est né au Maghreb, qui est né en Algérie, quoi. Hein. Ça n'est pas... Et c'est là que c'est marrant. C'est-à-dire que finalement, le Anas Kazib et tous les autres, quand il a sorti ça, ils ont gueulé comme pas possible. C'est-à-dire que même les bougnoules intersectionnels, tout ce que tu veux, enfin, ces espèces de trucs bizarres, racisés, islamistes, même eux, ils restent de bons musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont refusé, et violemment refusé, qu'on bazarde leurs frères en religion sous le rouleau compresseur médiatique de la juiverie, comme a voulu le faire Mélenchon, cette espèce d'enculé de franc-mac et de trotskiste. Et il a été trotskiste 3 ans, ça suffit amplement dans la vie d'un homme pour être une pute. Hein. Je suis désolé. Là, les autres, ils ont dit. Tu peux pas sacrifier nos frères, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire? C'est quoi le message que tu envoies, là? Alors, mais Mélenchon était de bonne foi, d'une certaine façon, dans sa saloperie. C'est-à-dire qu'il disait, ouais, mais c'est pour protéger quand même les Algériens, ça, c'est les plus nombreux. Il disait, non, tu comprends pas. La communauté des croyants, elle est indivisible. Toi, t'es pas un musulman. Donc, t'as pas à dire que nos frères tchétchènes, je sais pas quoi. Donc, tu fermes ta gueule. Et Mélenchon, il a tellement reçu de coups de pression qu'il s'est dédié le lendemain. Il s'est dédié le lendemain. Donc, ça rejoint ce que tu dis quand tu dis le type, là, la base, elle est hors de contrôle. Elle est totalement hors de contrôle. Et c'est bien fait pour sa gueule. Ah oui, c'est bien fait pour sa gueule, hein, mais... On a vu en première partie ce que ça donnait, hein, la réponse républicaine à tout ça. C'est que dalle. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire des machins pour faire chanter la Marseillaise à des nègres. On a vu un exercice à Poitiers. Là, je ne sais pas si vous avez vu une ministre maghrébine de Macron à l'engagement. Elle est partie là. Pareil, un peu comme le truc de l'armée là. Elle a essayé de faire chanter la Marseillaise. Et t'as vu, t'avais des négresses voilées. Ils disaient, pourquoi vous parlez de laïcité, etc., alors qu'il y a des discriminations dans tous les quartiers, dans l'école, etc., les universités. T'as vu ce truc-là? C'est totalement hypocrite de parler de laïcité, alors qu'il y a plein de discriminations dans toutes les écoles, lycées, universités. Le ton est direct, les propos assumés. Ces jeunes venus de toute la France racontent les mêmes histoires, des discriminations liées à leur origine ou leur religion, dans la rue ou à l'école. Malgré le fait qu'il y ait des lois qui soient imposées dans cette République, il reste tout de même de fortes inégalités. Il faut qu'elles soient vraiment réellement corrigées parce que c'est de la pure discrimination et c'est vraiment grave. Par exemple, les professeurs qui portent des croix, c'est visible et ça, on ne leur dit rien. Par contre, quand c'est quelqu'un qui porte un voile et tout, on l'interdit de le mettre. Après 5 jours de débat, les jeunes ont des propositions concrètes pour la secrétaire d'État, notamment des cours de religion à l'école et le droit d'en revêtir les symboles. Je pense qu'à l'école c'est peut-être possible, mais au lycée je comprends pas que ce soit interdit parce que c'est un âge où on est grand, on est assez développé pour faire ses propres choix. Je pense que la loi elle a été faite il y a très longtemps et qu'en fait on a évolué et que du coup la loi elle devrait évoluer par rapport à nous. Enfin, je veux dire, elle a été faite il y a plus d'un siècle, je pense. Et puis maintenant on est en 2020, enfin faut évoluer. Mais face à la représentante d'un gouvernement républicain, le message passe mal. Sarah El Haïry tente de rassembler les jeunes autour de la Marseillaise. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sont... Une initiative mal comprise. L'étendard... Je ne trouve pas que la Marseillaise soit quelque chose de pertinent, puisque les religions, c'est la paix. Oui, les débats sont vifs, mais ils sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui, notre pays, notre histoire... Et notre responsabilité, c'est de donner les outils à chacun, de répondre à ce combat. Ce combat est féroce, mais nous le menerons avec fermeté. Des principes républicains qui ont du mal à se faire une place dans la vie quotidienne de ces jeunes des quartiers. Un face-à-face marquant pour la secrétaire d'État qui a tenu à en informer rapidement le Premier ministre. Oui, c'est... Là il... Enfin, la nana, elle est partie, elle n'est pas restée longtemps. Hein. C'est une maghrébine, il faut préciser, c'est une maghrébine. Hein. Une maghrébine, une nana du Maroc, hein, ce que je veux comprendre, qui vient du Maroc, qui a fait ses études au Maroc. Hein, elle n'est pas originaire de France. Du cru, elle est du cru. Elle est du cru, ouais, elle a fait. Elle est ministre de Macron. Ouais, bah écoute, ouais, France, quoi. C'est comme Sibeth Ndiaye, hein, qui n'était pas française. Ouais. Il y a 2016, qui a pris la nationalité pour entrer au gouvernement. Quoi. Là, c'est pareil, c'est une étrangère qui. Ou alors, peut-être métisse, mais bon. Je crois pas. J'ai lu ça, je n'ai plus souvenir. Mais le projet ne prend pas. Quoi. Enfin, le camp républicain est destiné à se casser les dents dans tout ce qu'il va faire. Ouais. Donc là, les juifs de gauche qui rejoignent les juifs de droite et tout le camp de la loose, eh ben, qui se préparent à perdre, hein, parce que c'est ce qui les attend. Et Et de l'autre côté, voilà, c'est, y a une dynamique. Déjà, ils ont une dynamique démographique. Et ils ont une force motrice qui est celle, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, de l'islam. Ouais. Donc ça... Et puis une revanche, il y a aussi une revanche post-coloniale, tout voilà. Ça. Il y a la volonté d'en découdre aussi qui est très, très, très motrice. Qui est très motrice. Et bon, c'est pour ça que le truc de Stora, on va y avoir droit. Hein. Préparez-vous, ça va arriver. Ça les calmera peut-être quelques mois, mais... Je crois pas. Ouais, c'est vrai que... si on continue... S'ils persistent avec leur truc de caricature, ils le feront. Parce qu'ils veulent pas se soumettre. Ouais, ils ont annoncé qu'ils vont publier... Je crois qu'ils ont dit que les régions françaises allaient sortir un bouquin avec toutes les caricatures dans les lycées, etc. Les écoles. Ouais, bon, après, je pense qu'il y a des profs qui vont pas vouloir mourir non plus. Ouais. Ils sont courageux, mais pas téméraires non plus. Non, mais ça c'est très marrant. Ce camp de la, enfin, moi, ce qui me fait, ce qui me, ouais, c'est un bon terme, le camp de la loose. Ce qui m'enchante, là, c'est le camp de la loose de la droite. Parce que, la droite ne sert à rien en France. Hein, elle sert juste à dire ouais, non, mais on va revenir juste un petit peu avant. À l'extrême droite, c'est il y a 10 ans, c'était on revient au RPR des années 90. Maintenant, on revient au début des années 2000 à Jospin, quoi, en gros. C'est, bon. Bah oui, non mais la droite c'est la gauche d'il y a 5 minutes. Hein. Voilà, donc là le camp de la loose qui est le camp de la droite, rejoint par la gauche républicaine, juive, etc. Le printemps républicain, tu sais, les trucs comme ça avec. Ouais, Valls, l'enragé, Valls. Il revient, l'enragé, il a annoncé qu'il revenait, putain. Oh là là, le défenseur de la monarchie catholique espagnole. Arrive, franchit les Pyrénées pour défendre la République laïque des loges. Oh là là là là là là. Non, c'est vrai qu'il est. Bon, il est infect. Ah, mais qu'ils le mettent! Ah, mais qu'ils me le mettent, moi! Qu'ils me le mettent! Ah, mais tu mets ça sous le nez des bougnoules, etc. Ah non, non, ah, le oui, truc non, qui va. Les bougnoules ne l'aiment pas, mais alors, vraiment pas, quoi. Donc, oui, ben. Il n'y a pas que les bougnoules, hein, il faut bien le dire. Hein. Ah non, non, moi je peux pas. Hein. Ah, moi je peux pas. Non mais Valls, c'est physique. Lui c'est carrément physique. Moi c'est de l'ordre. C'est même peut-être tellement de l'ordre de idéologique. Je sais, c'est bon. Oui, mais le printemps républicain, les Caroline Forest, ça. Mais hey, je les, oui. moi je les suis de près. Hein. Hey, mais attention, ils vont foutre les bouchées doubles, les mecs là. Mais bien sûr. Ouais. Ils sont convaincus. Ils vont mettre les bouchées doubles. Alors je sais pas si on a des auditeurs musulmans. C'est du suicide. Ils font des attentats suicides, c'est bien. Quoi. Enfin, ah bah je sais pas, mais bon, les musulmans qui se préparent, parce que s'ils croient que les types là, ouais, mais bon, là on s'est énervé, ils vont arrêter avec les caricatures. Ah non, hein, c'est pas, c'est non, non, les juifs sont pas tout à donc, fait là-dessus. Je crois qu'ils ne comprennent. Enfin, il faut savoir que c'est... oui, car une fois, c'est une lesbienne hystérique, donc. Hystérique. Ouais. Donc une lesbienne hystérique, ça se calme pas. C'est par définition, elle impète au casque. Donc ça va aller crescendo, quoi. Tout à fait. Bah, moi je propose, il faut quand même s'adresser à nos jeunes, hein, qui nous écoutent, qui eux savent que tout ça c'est voué à du sale. Ne restez pas dans les grandes villes françaises. Éviter de grade, non, mais la partition, hein, voilà, le séparatisme blanc, c'est le futur. Voilà, donc, oui, mais de toute manière, le discours, c'est pas de gagner les élections, vraiment, j'assure, c'est pas de gagner ça, c'est... non. L'avenir politique se fera entre d'un côté ces gens-là qui vont tout droit vers Boko Haram ou le Hamas, tout ce que tu veux, là, c'est bon, vous choisissez votre. Ouais. Selon l'origine du truc, ça sera un mix de tout ça. Et des gens qui veulent rester en dehors, enfin, qui ne veulent pas faire partie du projet de la Ouma. Hein. Tout ce qui est au milieu, ça va se faire balayer. Hein. Ouais. Les fous furieux, les profs là, qui veulent enseigner la République pour faire des Français, etc., ben, ces gens-là vont se faire tuer, pas par nous. Parce que nous on a, enfin, moi, je les regarde se faire tuer. Hein. Je mange des chips, hein. Je regarde se faire tuer. Ça me détend. Ouais, bon, ça, c'est très bien. Mais ils vont se faire tuer. C'est comme ça parce que il n'y a pas de place pour eux. Quoi. Leur projet n'est pas viable. Et obsolescence là, programmée. Oui, là, c'est obsolète. Quoi, hein. Ouais, il faut voir cette vidéo hein, pour devant la petite secrétaire d'État à la jeunesse. Ah oui, oui, oui. Oui, là, oui. Qui va à Poitiers en plus. Hein, donc, hein, Charles Martel. Charles Martel, voilà, monsieur. Non seulement les Arabes sont revenus, mais les nègres aussi. Hein, c'est délirant hein, le public qu'il y a. C'est le public français. Hein, imaginez dans 10 ans, bon, ça, hein, avec la dynamique démographique. Parce que ouais, une ville en France, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça sera le bon, ça sera bien représentatif d'à peu près tout le territoire, sachant qu'il y aura des zones où ce sera encore pire. Hein, c'est ça qui est pire. Donc la République, là, le camp de la loose, on va aller regarder, on va aller regarder s'agiter, puis on va rigoler, quoi. Hein. Oui, oui. Ah ouais, moi, je me marre. Hein, je vous garantis, en ce moment, j'ai une banane en ce moment. Je me fends la poire depuis vendredi dernier. Hein. Pareillement. Ah oui, oui. Et c'est pas à cause du jour de prière. Hein. Donc les gars, préparez-vous, asseyez-vous, regardez un petit peu ce qui se passe. Tâchez de pas non plus hein, aller gratter le, enfin, aller faire comme les profs, à vous coller à la diversité pour. Non, bon, distanciation raciale de rigueur. Voilà, hein, c'est que le meilleur moyen de ne pas subir les agissements de ces gens, c'est d'être loin d'eux, hein, loin physiquement et mentalement. Alors, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire avant de se séparer? Pas particulièrement? D'accord. Ah, si, peut-être. Bon, non. Non, d'accord. À la semaine prochaine, chers amis.